C'est bon. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette première conférence de l'année X Recherche sur le thème du transhumanisme. Donc il y a un troisième intervenant qui va arriver, qu'on est parti chercher, qui arrivera en cours de conférence. Alors je me présente, je suis Grégory Savidan, président du groupe. Aujourd'hui, on a pensé que monter une conférence sur le transhumanisme ici à l'École Polytechnique pourrait générer un débat intéressant et je vois que l'amphi est bien rempli, donc bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir trois intervenants, Rémi Sussan, Laurent Alexandre et Olivier Néraud qui va venir par la suite. Donc Rémi Sussan nous parlera de mythes et légendes du transhumanisme. Il est journaliste chez Internet Actu, auteur de trois ouvrages, Optimiser son cerveau, Demain les mondes virtuels et Les utopies post-humaines. Il animera également la conférence. Laurent Alexandre nous posera la question, est-ce que le premier homme qui vivra 1000 ans est déjà né? Donc, Monsieur Alexandre est chirurgien urologue, neurobiologiste, créateur du site internet doctissimo.fr, l'auteur d'un essai intitulé La mort de la mort, et également directeur de DNA Vision, qui est une société de séquençage en ADN. Et Olivier Néraud, qui nous rejoindra, donc parlera de machines et émotions. Olivier Néraud est donc ingénieur en traitement du signal, docteur en sciences cognitives. Il a créé une entreprise en 2000 à Moeba sur la base de ses travaux de recherche. En 2005, il a monté une société de conseil en innovation et de prototypage informatique dans le but de venir en conseil pour créer des sociétés intelligentes. Et en 2012, il a fondé une galerie dédiée à l'art digital à Lyon qui se nomme H+. Donc avant de céder la parole à M. Sussan, je vais rappeler un petit peu qu'est le groupe X Recherche. Donc en 2012, on était 60 membres. Il y a un noyau de membres actifs de 4 personnes, composé de Blaise Fleury, qui est parti chercher Olivier Néraud, secrétaire général, Marc Stéphanon, trésorier et responsable du blog, et Gaël Lehoucq, qui est responsable de la com. Donc nous, on déroule un process de développement de conférences ici à l'école, et on propose aux membres, on leur suggère de donner des idées pour monter des conférences un peu prototypes, innovantes, en faisant intervenir plusieurs conférenciers. L'intérêt d'être membre du groupe, c'est de pouvoir monter des conférences, d'avoir accès aux présentations des conférenciers, des bandes son comme ce soir, d'avoir accès au compte-rendu, de pouvoir disposer d'un réseau de recherche. Aujourd'hui, on va faire passer parmi vous une feuille pour savoir si vous souhaitez laisser vos coordonnées pour suivre nos événements, avec nom, prénom, adresse mail si vous le souhaitez. Donc si je peux vous demander, ouais. Si vous souhaitez suivre notre actualité, donc c'est sur x-recherche.polytechnique.org ou bien nous contacter sur la mailing list de membres actifs xrecherche@gmail.com. Donc vous serez les bienvenus si vous avez des questions, des suggestions, des projets, pour des collaborations. Nous, on est très ouverts, on se rencontre 3-4 fois par an, voire plus si besoin, à Paris. Donc vous êtes les bienvenus. Je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps, je vais laisser les intervenants commencer leur conférence et très bonne conférence à vous. Bonjour à tous, donc ce soir on va vous parler du transhumanisme et donc puisque j'ai la lourde tâche de démarrer la soirée, je vais commencer effectivement par essayer de décrire de quoi on parle. Alors petite question quand même à l'Assemblée pour savoir effectivement où j'en suis, qui connaît déjà au moins le terme et le sujet? Bon, ça va, bon, donc je vais pouvoir me lancer un petit peu plus rapidement. Donc en fait, je vais, bon, dans les 20 minutes qui me restent, je vais essayer en trois points d'essayer de décrire un peu qu'est-ce que c'est que l'idée du transhumanisme. Et donc ça va être en trois points historiques. Alors on va faire un petit peu comme dans les séries télé où vous savez, on commence par le présent et puis ensuite vous voyez écrit 15 jours avant et l'histoire commence 15 jours avant. On va faire un triple flashback. C'est-à-dire dans un premier temps, je vais essayer de vous décrire ce qu'on appelle aujourd'hui le transhumanisme, à quoi ça ressemble et quelles sont en gros les idées qui sont défendues sous la bannière transhumaniste. Ensuite, on va revenir un peu en arrière et je vais essayer de vous démontrer que, contrairement à ce qu'on pense souvent, le transhumanisme n'est pas quelque chose qui est directement issu des labos, voire d'une espèce de lobby militaro-industrialo-capitaliste qui trusterait l'idéologie, mais que c'est au contraire une lame de fond profonde qui trouve ses racines notamment alors dans les années 50 et 60 avec la contre-culture hippie. Ça peut paraître curieux, mais effectivement, bon, j'espère vous montrer qu'il y a des liens très très forts entre ce qu'on a appelé la contre-culture et le transhumanisme. Et enfin, on fera à la fin un dernier flashback pour essayer de montrer si, oui ou non, le transhumanisme a des racines encore plus profondes, et on remontera jusqu'au début de l'ère chrétienne et même un petit peu avant. Donc le transhumanisme, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Bon, certains le définissent comme une philosophie, d'autres comme un mouvement. Bon, personnellement, je le définis plutôt comme un élément culturel. C'est quelque chose qui fait partie de notre culture actuelle. C'est un ensemble d'idées qui circulent et qui se véhiculent notamment, bien sûr, par certains travaux de recherche, mais également par la bande dessinée, la science-fiction, qui en est, à mon avis, le vecteur principal, et même parfois la musique, etc. Donc c'est quelque chose qui est propre, je dirais que c'est la forme la plus extrême de ce qu'on pourrait appeler la culture geek, pour dire les choses un petit peu rapidement. Alors, quelles sont en gros les idées, comment est-ce qu'on peut décrire en gros les idées du transhumanisme ? Bon, moi, je dirais que ça consiste en trois points, grosso modo. Vous avez d'abord redéfinir le corps. Ensuite, vous avez redéfinir l'esprit. Et enfin, vous avez redéfinir l'univers entier, qui est une partie qui est un peu oubliée dans les débats, mais qui a eu une grande importance historiquement dans les mouvements transhumanistes. Donc, redéfinir le corps. Bon, la première idée de base du transhumanisme, c'est bien sûr que grâce à la technologie, nous pouvons supprimer certaines limites de la condition humaine. Et parmi celles-ci, il y en a une qui est évidente, qui est la plus importante de toutes, qui est la mort. Donc effectivement, le premier objectif, je dirais, du transhumanisme en général, c'est d'abolir, tant que faire se peut, la mort, ou au moins la faire reculer jusqu'à un niveau très éloigné. Alors pour cela, effectivement, bon, il faut refaire le corps. Alors, bien entendu, le transhumanisme va se reposer non pas sur des idées religieuses ou sur des doctrines philosophique, mais sur la technologie. Le bras armé du transhumanisme, c'est ce qu'on appelle les NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et cognition. Laurent, tout à l'heure, vous parlera beaucoup de la partie biotechnologie et peut-être un peu nanotechnologie, je ne sais pas. Et Olivier vous parlera beaucoup de la cognition par la suite. Donc, en fait, en gros, d'abord, on commence à redéfinir le corps. Alors, que cherche à faire donc le transhumanisme, c'est donc à être immortel. Alors, ou disons, à avoir une longévité indéfinie, puisque bon, l'immortalité est quand même quelque chose d'un petit peu difficile à obtenir, vu qu'à la fin de l'univers, il n'y aura même plus d'atomes ou de particules élémentaires pour pouvoir survivre. Ceci dit, un transhumaniste a créé le club du dernier proton, ce qui vous montre quand même l'espoir qu'on peut avoir quand même de tenir jusqu'à ce moment-là. Je ne sais pas en quoi il sera constitué, mais... Donc en fait, une longévité accrue. Alors, naturellement, bon, je vais reprendre la théorie des trois ponts de Ray Kurzweil. Ray Kurzweil, vous en avez sans doute entendu parler, c'est un grand inventeur, il a créé beaucoup de synthétiseurs. Ensuite, il s'est intéressé à la reconnaissance vocale, au traitement pour les aveugles, au traitement d'interface pour les aveugles, etc. Et c'est un des grands champions des théories transhumanistes. Et lui, il divise, mais il n'est pas le premier à le faire, d'ailleurs, il a un peu... Kurzweil a un petit peu donné son imprimature à des idées qui étaient beaucoup plus anciennes que les siennes, en fait. Il dit qu'il y a trois ponts. Le premier pont, c'est arriver à tenir le coup jusqu'à ce que les recherches nous permettent d'aller plus loin. Alors, vous avez des tonnes de techniques pour essayer de tenir et de rester en vie le plus longtemps possible. Vous avez, par exemple, la restriction calorique, qui consiste grosso modo à ne rien manger. Et qui, semblerait-il, marcherait, en tout cas chez les primates. Pas chez l'homme. Ah, ça y est, on a trouvé que finalement ça marchait pas chez l'homme. Voilà, donc voilà, on a une réponse. N'essayez pas. N'essayez pas ça chez vous. Donc vous avez, bon, vous aviez la restriction calorique. Oui, même chez le primate, j'ai entendu dire, non. Non, primate, sur pression. Sur pression. Voilà. Et un peu plus stressé, je pense aussi. Enfin, ça, c'est une autre. Bon. Et effectivement, bon, alors, Récurseveil a mis au point un programme de régime extrêmement sévère, comme ça, pour essayer de tenir le coup. Lui-même prend 250. Je crois qu'il est tombé récemment à 150 pilules par jour de compléments alimentaires. Mais tout ça, ça ne va pas bien fonctionner très longtemps, parce que malgré tout, notre durée de vie est assez limitée. Concernant la restriction calorique, c'est intéressant ce que vient de dire Laurent, parce que le grand pionnier de la restriction calorique, qui s'appelait Roy Walford, est mort effectivement à 80 ans. Voilà. Bon, il avait la maladie de Lou Gehrig aussi, donc c'est peut-être aussi une raison de mourir, peut-être. Bon. Donc ensuite vont venir les premiers médicaments issus de la recherche génétique et éventuellement ce qu'on va appeler les débuts de la nanomédecine, c'est-à-dire effectivement le mélange de nanotechnologie et de biotechnologie pour faire des médicaments de plus en plus efficaces, etc. Ça sera la deuxième phase, selon Kurzweil, qui devrait, selon lui et selon la plupart des transhumanistes, nous permettre d'abolir le vieillissement, ce qui est déjà bien, mais qui n'est pas suffisant. Vous pouvez quand même mourir pour d'autres raisons. La troisième méthode, le troisième pont, c'est enfin on se débarrasse même des médicaments et on fusionne avec la machine. Alors là, la science de base, c'est la nanotechnologie. C'est-à-dire qu'effectivement, avec la nanotechnologie, vous pouvez recomposer la matière. Et à partir de là, vous pouvez devenir un cyborg. Alors le cyborg, on l'imagine souvent comme une espèce de créature avec plein de bouts de métal partout. Probablement que si la nanotechnologie fonctionne réellement comme ces aficionados l'espèrent, il n'y a pas de raison que ça ressemble tellement à une espèce de moitié automate. Il y aura ce qu'on appelle des matériaux intelligents qui pourraient être à peine distingués du corps organique. Et enfin, alors ça c'est le rêve, le grand rêve de beaucoup de transhumanistes, une fois qu'on est devenu un cyborg, on peut télécharger son esprit sur un support externe. Alors la théorie de base, elle est assez facile à expliquer, c'est-à-dire que si vous prenez la thèse matérialiste classique comme quoi l'esprit est produit par le cerveau et notamment par les connexions existant entre les neurones, on peut effectivement, en théorie, enregistrer l'ensemble de ces connexions de neurones et les placer sur un support externe qui serait entre guillemets un ordinateur, je dis entre guillemets parce qu'on peut penser que dans ce lointain futur, ce qu'on appellera les ordinateurs ne sont pas les ordinateurs que nous entendons aujourd'hui, et émuler ou simuler le fonctionnement du cerveau humain. Alors c'est une hypothèse qui est assez folle, mais qui est quand même appréciée par des gens assez connus, hein. Par exemple Marvin Minsky, qui est un des pères de l'intelligence artificielle, est absolument convaincu que le coding est pour dans quelques années. Hans Moravec, qui est professeur de robotique à Carnegie Mellon, est aussi persuadé que l'uploading est au coin de la rue. Eric Kurzweil, bien entendu, aussi. Bon, vous remarquez que je n'ai cité que des informaticiens, par contre. Pas de biologistes. Hein. Donc, apparemment, c'est plutôt un réflexe d'informaticien qu'un réflexe de biologiste, ce qui est intéressant. Donc voilà en gros pour la partie refaire le corps et notre lente montée vers l'immortalité. Ensuite, il y a refaire l'esprit. Alors refaire l'esprit, c'est parce que bon, il faut savoir que les transhumanistes, le but des transhumanistes est essentiellement de devenir des êtres super intelligents. Hein, d'abord parce qu'une fois qu'on est immortel, il faut bien trouver quelque chose à faire. Donc effectivement, on a intérêt à avoir quand même une intelligence supérieure. Il y a une fascination dans le transhumanisme pour l'intelligence supérieure. Alors, dans le schéma que je vous ai décrit, il est logique qu'une fois qu'on est uploadé, on peut devenir d'une intelligence absolument fabuleuse, puisqu'on est devenu une espèce de logiciel, on peut se copier, on peut se hacker, etc., c'est très facile. Mais ceci dit, un certain nombre de transhumanistes sont beaucoup plus sceptiques, même sur l'arrivée de la super-intelligence par le canal de l'être humain. C'est-à-dire que vous savez que notre cerveau a été forgé par des millions d'années dans la savane, etc., et qu'il est plein de biais cognitifs, que donc, finalement, même si vous n'arrêtez pas de lui mettre des implants et des choses de ce genre, tôt ou tard, bon, il va rester prisonnier de son architecture. C'est pourquoi, pour certains transhumanistes, et notamment ce qu'on appelle la branche singularitarienne, l'avenir n'est pas à l'être humain, mais il est à la machine intelligente. Et alors, c'est le créateur du concept de singularité technologique, qui est un auteur de science-fiction qui s'appelle Werner Binge, a dit très simplement, dans les 30 ans, l'être humain sera créé une espèce supérieure, supérieurement intelligente par rapport à lui-même, et à ce moment-là, l'ère de l'espèce humaine aura pris fin. Ce qu'on appelle la singularité, ce serait ce moment où effectivement l'ère de l'espèce humaine prend fin. Alors la question étant de savoir, est-ce que ces créatures super intelligentes vont être aussi super sympas? Donc il y a aussi beaucoup de recherches, plutôt d'ordre philosophique, je vous dis tout de suite, plutôt que d'ordre technique, sur la création d'intelligence artificielle amicale. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir effectivement créer des intelligences artificielles qui nous soient à la fois supérieures et supérieures au point de se recréer elles-mêmes, et en même temps amicales. Alors ça, c'est une question qui est tordue, parce que bon, très souvent, quand on parle de robotique, on utilise les fameuses lois d'Asimov. C'est-à-dire, vous les connaissez sans doute, un robot ne doit jamais faire du mal à un être humain, il doit obéir à son maître, etc. Mais ce sont des lois contraignantes. C'est-à-dire qu'elles ne font pas. À la limite, un robot supérieurement intelligent est capable, en théorie, de contourner ces lois. Et d'ailleurs, dans les romans d'Asimov, s'il y a des romans d'Asimov, c'est parce que justement les robots n'arrêtent pas de contourner ces lois, en fait. Donc, en fait, la question qui a été posée par quelqu'un comme Eliezer Yudkowsky, qui a créé le Singularity Institute, c'est de se dire, finalement, le Mahatma Gandhi, s'il est non-violent, ce n'est pas parce qu'il y a des lois qui l'empêchent d'être non-violent, c'est qu'il est fondamentalement non-violent. Donc on pourrait créer des intelligences artificielles fondamentalement bonnes, pas contraintes par un réseau de lois, même inscrites à l'intérieur de leur software, mais fondamentalement bonnes. Donc vous avez ce rêve aussi qui est celui des singularitariens, et donc l'idée de l'arrivée à l'intelligence supérieure par ce biais. Si l'intelligence artificielle est amicale, bien sûr, elle nous emmènera dans un paradis, elle nous uploadera et elle nous amènera dans un paradis informatique où nous serons éternellement heureux et où on ne cherchera plus à évoluer puisque de toute façon, ça ne servira à rien. La troisième partie, c'est, on n'en parle pas assez, surtout dans les débats sur le transhumanisme, mais elle est très centrale dans les années 70 à l'époque, et je reviendrai un peu là-dessus, où l'idée du transhumanisme était très liée à l'idée du voyage dans l'espace. C'est refaire l'univers. C'est-à-dire nous sommes des super intelligences, nous sommes immortels, jusqu'où allons-nous aller? Eh bien, nous pouvons aller jusqu'à refaire un univers. Alors, refaire un univers, ça peut être avec les moyens du bord d'aujourd'hui, c'est-à-dire effectivement la création de réalités virtuelles, où on peut imaginer que les entités uploadées de demain pourront vivre, mais on peut aussi envisager ce qu'on appelle le mega-scale engineering, c'est-à-dire la création, par exemple, de sphères de Dyson autour du système solaire. Pour récupérer les sphères de Dyson, c'est une coque que vous mettez autour d'un système solaire et vous récupérez comme ça toute l'énergie du système solaire. Certains vont jusqu'à imaginer la création de micro-univers avec des trous noirs, etc. Et l'un des grands penseurs du transhumanisme et l'un des plus théologiques, qui est un astrophysicien qui s'appelle Frank Kipler, imagine qu'à la fin, tout cela, c'est-à-dire l'immortalité, la superintelligence et la recréation de l'univers, aboutira à la fin de l'univers à une espèce d'intelligence maximum qu'il faut bien appeler Dieu. Et en fait, finalement, on arrivera comme ça à la création de Dieu. Et je crois que Kipler va même encore plus loin en pensant que ce Dieu qui arrivera à la fin de l'univers sera capable de retourner dans le passé pour créer les conditions de sa propre création. Et Kipler est, je crois, très chrétien aussi, donc c'est assez intéressant. Donc, bon, là, je vous ai décrit très rapidement un petit peu le contexte du transhumanisme. J'ai à dire que si je suis toujours un peu moqueur, ça ne veut pas dire que je pense que les idées sont toutes à rejeter, etc. Elles sont très extrêmes, mais il y a plein de raisons de penser qu'au moins en partie, certaines de ces idées peuvent se réaliser. Donc, il faut toujours garder un petit peu son esprit ouvert à ce sujet. Par exemple, j'en prends l'exemple de l'uploading. Moi, personnellement, ça me paraît totalement pharaonesque d'imaginer le transfert d'un esprit sur un ordinateur. Ceci dit, si on pense en termes classiques, si on accepte la définition matérialiste classique de l'intelligence, il n'y a pas d'obstacle philosophique. Il y a certainement des tas d'obstacles d'ordre technique, d'ordre financier, d'ordre tout ce que vous voulez, mais philosophiquement, ce n'est pas forcément quelque chose de choquant, par exemple. Alors là, bon, je vous ai décrit, il me doit rester 10 minutes, donc c'est essayer d'accélérer encore plus la chose. Donc je vous ai décrit un mouvement qui a l'air très moderne, très technologique, etc. Et tout à l'heure, on va pouvoir discuter des aspects technologiques liés au transhumanisme plus en avant. Ce que je voudrais montrer, c'est qu'effectivement, bon, d'où ça vient, le transhumanisme ? À l'origine, bon, ça a été, le terme est assez ancien, puisqu'on peut le remonter jusqu'à Dante, qui parlait de transhumanare dans la Divine Comédie, mais la première véritable formulation du transhumanisme tel qu'on le connaît, c'est par quelqu'un qui s'appelait Sandiari, qui a écrit dans les années 60 un livre qui s'appelait « Are you a transhuman ?». Et effectivement, bon, c'est là qu'on a commencé, qui a commencé à avoir cette réunion de gens, en Californie naturellement, autour d'idées très très futuristes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on essaye d'analyser un peu l'historique de ces idées, on s'aperçoit que dès les années 50, il y a eu un courant de pensée qui est celui qu'on a appelé celui de la cybernétique, hein, qui a été créé par Norbert Wiener dans les années 50. Norbert Wiener, dans les années 50, avait fait venir autour de lui un groupe de gens, dans ce qu'on appelait les Massy Conférences, pour essayer de décrire un petit peu et d'appliquer la cybernétique à tous les domaines de l'humain et de la société. Et c'est dans ce milieu-là qu'ont commencé à apparaître des gens qui ont pensé qu'effectivement, l'analogie humain-ordinateur pourrait amener à une reprogrammation de l'être humain, qui est exactement ce que je viens de vous décrire, en fait. Et parmi ces gens, bon, et à la même époque, miracle, est apparu un produit dont beaucoup ont pensé qu'il allait être cet outil de reprogrammation. C'était le LSD-25. Donc à cette époque, vous avez des gens comme John Lilly, par exemple, qui était un neurophysiologiste d'ailleurs assez connu, qui a beaucoup travaillé sur le système des microélectrodes, je crois, sur les animaux, qui a commencé à s'enfermer dans une de ses inventions qui s'appelait le caisson d'isolation. Je pense que vous connaissez tous le caisson d'isolation. Vous savez comment ça marche. Vous êtes dans une espèce d'étendue d'eau salée et coupée de toute communication avec l'extérieur, et a commencé à vivre des espèces de voyages en s'aidant de multiples produits chimiques de plus en plus puissants au fur et à mesure de l'avancée de ses recherches, et à se projeter dans le futur, etc. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Programmer et métaprogrammer le bio-ordinateur humain ». Donc, vous voyez qu'il y avait vraiment cette idée. Alors, quand on parle des hippies, on parle souvent, effectivement, on imagine tout de suite les moutons, le macramé, la recherche le rejet de la technologie, etc. En fait, il y avait beaucoup de gens très, très futuristes chez les hippies. Par exemple, un écrivain beatnik comme William Burroughs a été, jusqu'à la fin de sa vie, un des grands défenseurs de l'idée du clonage, par exemple. Mais le personnage peut-être le plus important dans cette histoire, parce que c'est autour de lui que se sont réunis dans les années 70 les ferments de ce qu'allait devenir le transhumanisme, c'est celui qu'on a appelé le pape des hippies, ou le pape du LSD, c'est-à-dire Timothy Leary. Timothy Leary est quelqu'un qui a eu un itinéraire très intéressant parce qu'il a commencé comme un psychologue à Harvard aux idées très carrées. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui voulait mesurer les comportements. Il n'était pas du tout dans la psychanalyse, il n'était pas dans le New Age, il n'était pas dans Jung. Il voulait réellement travailler sur la mesure des comportements, etc. Bon, 1960, Mexique, champignons, découverte de Dieu. Il commence à expliquer à ses étudiants qu'il a découvert Dieu aussi. Il leur montre comment faire. Il se fait virer de Harvard. Ensuite, il se lance dans une longue propagande pour le LSD, enregistre avec en compagnie de gens comme Jimi Hendrix, etc., quelques albums, etc. Se fait mettre en prison, s'évade, enregistre encore des albums de rock allemand pendant son évasion, se fait reprendre et remettre en prison, et finalement se refait libérer en 76, et dit finalement le LSD tout ça c'est fini, ce qui est important c'est l'ordinateur, c'est le futur, laissez tomber l'hindouisme, laissez tomber les fleurs et l'encens, ce qui compte c'est l'ordinateur, c'est le voyage dans l'espace, et c'est l'immortalité. Et il crée un slogan alors c'est imprononçable, ça se prononcerait SMILE, mais avec un petit 2 au-dessus du I pour dire qu'il est au carré, c'est-à-dire Space Migration, Intelligence Squared, Life Extension. Vous remarquez que je lui ai piqué son plan. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que je vous ai décrit, c'était ça. Migration dans l'espace pour refaire l'univers, intelligence au carré et extension de la vie. Et il commence à réunir autour de lui, dans une atmosphère assez bohème, l'ensemble de ces gens qu'on va appeler plus tard les transhumanistes, qui sont à l'époque très très liés au mouvement cryonique. C'est-à-dire effectivement, et encore aujourd'hui, beaucoup de transhumanistes, pas français, mais à l'étranger, beaucoup de transhumanistes sont encore des gens qui signent pour se faire congeler après leur mort. Marvin Minsky, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a signé pour se faire congeler après sa mort. Kurzweil, je ne sais pas. En tout cas, il en a les moyens, ça ne lui coûterait pas très cher de le faire, je pense. Donc, bon, effectivement, bon, alors la cryonique, bon, je laisserai le biologiste en parler. En gros, bon, on considère que ressusciter un corps cryogénisé, c'est en gros aussi facile que transformer un hamburger en vache vivante. Hein. Donc, c'est plutôt compliqué. Pour les gros mammifères. Les souris ont une chance. Je pense qu'on devrait plutôt faire quelque chose sur le transhumanisme parce que je pense qu'elles ont des chances d'arriver avant nous, finalement, à la singularité. Les neurones n'explosent pas. Chez l'homme, parce que la taille du cerveau est importante, les neurones explosent à la congélation et encore mieux à la décongélation, même si on injecte du glycérol. Et donc, en général, c'est assez dégueulasse. On a une explosion des neurones, ça fait une infâme bouillie. Et les gens qui se sont fait congeler, il y a assez peu de chances qu'on puisse vivre une nouvelle vie derrière. Donc voilà, la vie du docteur, c'est à peu près effectivement ce que j'ai vu. Mais je connais des gens tout à fait brillants, personnellement, qui ont leur petit badge de cryonique au cas où il leur arriverait quelque chose et pour qu'ils se fassent congeler en urgence. Donc bon. Donc dans les années 70, ce milieu-là est en train de se créer. Et autour de gens comme de Timothy Leary, on trouve des gens comme Roy Walford, dont je vous ai parlé pour la restriction calorique. Pas mal de gens aussi qui vont fonder un petit groupement qui va s'appeler la L5 Society, qui a pour but d'obtenir la conquête de l'espace dans le domaine privé, et qui et parmi lesquels on trouvera des gens qui à l'époque sont jeunes, comme Eric Drexler, qui ensuite créera le terme de nanotechnologie, Chris Langton, qui créera le concept de vie artificielle, etc. Donc en fait, Timothy Leary, après avoir viré l'ensemble de ses... De ses amis hindouistes et mystiques s'entourent comme ça d'une bande de geeks, pas mal de science-fiction, qui vont effectivement constituer les racines du transhumanisme. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit, et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas simplement sur le plan anecdotique, c'est que très souvent, quand vous avez des débats sur le transhumanisme aujourd'hui, c'est présenté comme une espèce de doctrine venue d'en haut, c'est-à-dire effectivement une espèce de consortium de type... Google, Kurzweil, NASA, Peter Diamandis qui travaille où c'est eBay, Diamandis, c'est quoi déjà? C'est la Singularity University, mais c'est SpaceX. Enfin bref, c'est cette espèce de conglomérat très... Et avec cette idée que finalement, c'est une idée qui vient comme ça d'une espèce d'élite, d'élite financiéro-scientifico-technique. En fait, les choses sont beaucoup plus complexes en réalité. Le transhumanisme est quelque chose qui traverse absolument toute la société contemporaine. Et effectivement, tous les gamins qui lisent des mangas aujourd'hui sont tout à fait perméables aux idées transhumanistes. Et que, bien évidemment, il existe cette espèce de groupement aujourd'hui. Des gens riches s'intéressent au transhumanisme. Est-ce que c'est pour des raisons purement financières ou parce qu'ils y croient, je ne sais pas. Mais il y a des gens riches qui s'y intéressent. Il y a des gens puissants qui s'y intéressent. Il y a aussi beaucoup de gens riches et puissants qui ont rejoint les mouvements créationnistes de George Bush et qui pense que l'univers a été créé il y a 6000 ans. Donc il faut quand même peut-être mettre aussi les choses en parallèle. Mais il y a aussi beaucoup de gens sans le rond qui sont tout à fait intéressés par les idées transhumanistes et qui sont très proches encore aujourd'hui des idées de la contre-culture, notamment dans les mouvements open source, hacker, biohacker. Vous trouvez souvent des gens qui sont très proches des idées transhumanistes. Il ne s'agit pas de dire que tous les gens dans ces mouvements sont proches des idées transhumanistes. Ce serait faux, mais il y en a, et ce sont des gens qui sont tout à fait différents sur le plan de l'opinion politique. Donc, bon, pendant les 3 minutes qui me restent, je vais essayer de simplement de revenir un petit peu en arrière et de dire finalement qu'est-ce que cette idée du transhumanisme, cette idée que l'homme peut, par la technologie, arriver à se dépasser, est-ce que c'est une idée récente? Même si on la remonte aux années 50, est-ce qu'on peut remonter encore plus loin? Et on découvre qu'effectivement, il y a un courant qui, dans toute l'histoire de l'Occident, depuis le début du christianisme, a dit il y a un moyen, il y a des moyens technologiques pour créer effectivement un état supérieur de l'humanité. C'est un courant religieux qui existe donc depuis, je dirais, à peu près le deuxième siècle de l'ère chrétienne, qu'on a appelé l'hermétisme et qui a donné notamment l'alchimie. Quel est le thème philosophique de l'alchimie? Bon, la technologie alchimique, elle est assez limitée, hein, puisqu'elle consistait essentiellement Ah ben, elle a du mercure pour devenir immortel. La philosophie de la chimie est très intéressante, parce que que dit la philosophie de la chimie? Elle dit finalement, l'univers n'est pas achevé, l'homme n'est pas achevé, et l'homme a le droit, par sa divinité propre, de créer effectivement un état supérieur et atteindre l'immortalité physique, qui était totalement anathème bien sûr dans la pensée chrétienne, et aussi de faire atteindre à l'univers, au monde qui l'entoure, un état de perfection. C'est-à-dire, c'est la transformation du plomb en or, parce qu'à l'époque, les alchimistes pensaient que les métaux, comme le plomb et tout, tendaient à la perfection et finissaient par se transformer en or. Donc l'idée de base, c'était qu'il y avait un univers qui était imparfait, qui n'avait pas été créé parfaitement par Dieu, mais qui était imparfait, et qui allait vers la perfection, mais lentement, et que l'alchimiste pouvait accélérer, ce processus. Et c'est une idée d'autant plus intéressante que, bon, dans l'hermétisme, il y avait l'alchimie, mais il y avait aussi l'astrologie, bon, donc sur laquelle je ne vais pas revenir, sur les fondements scientifiques de l'astrologie, mais ce qui est intéressant, c'est à quoi servait l'astrologie à l'hermétisme philosophiquement. Ça cherchait à découvrir un code qui allait lui permettre de mieux se connaître lui-même, et fondamentalement, bien entendu, sans parler des résultats ni de l'efficacité de la chose, il n'y a pas de différence entre consulter son thème astral et consulter son génome. L'un marche mieux que l'autre, d'accord. Mais effectivement, on est dans la même attitude. Et la troisième science de l'hermétisme, c'était ce qu'on appelait la magie. Et la magie avait une description. Et c'était une description qui était très claire. C'était en fait pouvoir en fait sortir de son destin en manipulant en fait nos propres bases. C'est-à-dire qu'en fait, bon, les bases de la magie pour les hermétistes, c'était: si par exemple j'ai un Mercure qui est mal aligné avec un Jupiter ou un Saturne ou que sais-je, je peux invoquer l'esprit de Mercure pour lui donner plus de puissance dans mon propre esprit. Donc ça, c'était une idée qui était développée notamment à la Renaissance par quelqu'un comme Martin Poussin. Ce qui est extrêmement intéressant parce qu'on retrouve encore finalement dans ces trois données-là les idées de base du transhumanisme, c'est-à-dire effectivement on prend des produits pour augmenter ses capacités mentales ou physiques, on essaie d'accéder au code de la nature pour le hacker, et au final, on fait progresser soi-même et l'univers vers un état de perfection. La ressemblance en est au point que dans l'hermétisme, par exemple, l'hermétisme a été à la fois juif, arabe et occidental, et dans l'hermétisme arabe, il est dit très clairement que l'aboutissement de l'œuvre de l'alchimiste, c'est la création, à l'instar de Dieu, d'un être artificiel. C'est-à-dire qu'effectivement, le but est de créer un être artificiel. C'est un thème qu'on retrouve dans toute l'histoire de l'hermétisme, qu'il soit chrétien, juif, païen, etc. C'est l'idée du golem. C'est l'idée, effectivement, que les Égyptiens, dans les textes hermétiques, ont raconté qu'ils avaient créé leur propre dieu. Donc, effectivement, il y a cette idée de la création de la super-intelligence artificielle qu'on retrouve tout au long de l'hermétisme. Alors, c'est d'autant plus intéressant, quand même, qu'aux racines de la science et de la Renaissance, des gens comme Kepler, comme Giordano Bruno, Newton aussi, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, étaient des férus d'hermétisme. Donc est-ce qu'on n'a pas finalement aujourd'hui, avec l'explosion de la technologie, finalement le retour d'une attitude très ancienne et très archaïque, mais qui était en minorité parce que effectivement la technologie ne permettait pas tout simplement de penser réellement ce genre de choses, mais qui aujourd'hui retrouve effectivement une espèce de droit de cité. Et là, je vais m'arrêter parce que j'étais trop long. Alors, Laurent, je te cède le micro. Et donc, tu vas nous parler de longévité active, de Laurent, c'est ça ? Alors, contrairement à ce que pourrait laisser supposer le thème de mon intervention, je ne suis pas un militant transhumaniste et je ne suis pas un prosélyte de Kurzweil et des organisations transhumanistes. La question est un peu provocante, mais en réalité, il y a un vrai sujet. Le développement exponentiel, et c'est pas la peine de prendre des notes, je vous passerai les slides, je dis ça y compris à mon neveu Arthur Mensch, brillant futur généticien qui est là. Le développement exponentiel des nanobiotechnologies, qui est en cours, va-t-il avoir des conséquences majeures se rapprochant des prédictions transhumaines? Ou reste-t-on dans le domaine de la science-fiction et d'utopie quasi-religieuse? C'est une vraie question, c'est un vrai sujet qui nous concerne tous à titre individuel et à titre collectif. Alors, quand on parle transhumanisme chez nous, on imagine des barbus gourous un peu foufous. En Californie, qui est l'épicentre mondial du transhumanisme, l'entrisme des transhumanistes est très fort. Le nouveau patron du développement, le BizDev de Google, c'est Kurt Weill, qui a été nommé il y a 2 mois. C'est-à-dire le patron mondial du mouvement transhumaniste est l'un des cadres les plus importants de chez Google. Google finance la Singularity University, qui est l'académie des transhumanistes. Sergey Brin et Larry Page, les deux cofondateurs de Google, ne cessent de faire des interviews transhumanistes insensées. Donc, le mouvement transhumaniste, totalement inconnu en Europe, est en réalité assez fort sur les rives du Pacifique, là où sont les industries nanobiotechnologies, pour faire court. Alors, ça va assez loin parce que Google a une filiale qui fait de la génétique, qui s'appelle 23andMe, et ça, c'est la publicité pour Noël dernier, où vous voyez au pied de l'arbre de Noël, les parents offrent le kit génétique 23andMe pour séquencer les enfants. Vous voyez qu'on est assez loin de nos réflexes de consommateurs sociodémocrates français bien pensants. Où allons-nous en termes d'espérance de vie? C'est une bonne question. Notre espérance de vie, vous en voyez la courbe, elle a été multipliée par 3 en 250 ans. L'espérance de vie en France en 1750 est de 24 ans. Elle est aujourd'hui, comme vous le savez, de plus de 80 ans. Elle est de 85 ans chez les femmes. Elle augmente chaque année de 3 mois. De 3 mois. Ce qui signifie très clairement que quand on vieillit d'un an, on ne se rapproche pas de notre mort d'un an, mais de 9 mois. Jusqu'où va la courbe et quelle sera la pente de la courbe dans les décennies qui viennent? C'est une question qui n'est pas inintéressante. On a 4 scénarios, on n'en a pas 5, hein. On a 4 scénarios. Le scénario de la flégerte, c'est le scénario des écologistes. Les OGM, la méchante mondialisation ultralibérale, le réchauffement climatique et la pollution vont faire que l'espérance de vie va baisser et que nous allons être empoisonnés par la technologie. C'est le scénario de la décroissance à cause de la pollution. On a la flèche blanche, qui est une stabilisation de notre espérance de vie, qui ne croît plus. C'est-à-dire depuis 250 ans, ça croît et ça s'arrête maintenant. On a le scénario de poursuite d'une croissance modérée, 3 à 4 mois supplémentaires chaque année, ce qui conduit notre espérance de vie à la fin du 21e siècle à 125-130 ans. Et puis on a un scénario exponentiel, c'est la flèche rouge. C'est le scénario des transhumanistes. La question de savoir importante, c'est y a-t-il... Est-il possible que la flèche rouge soit la flèche réaliste ou est-ce que c'est uniquement l'imagination des gourous transhumanistes qui est en cause? Finalement, la question, on peut la poser autrement, c'est avec les technologies NBIC, nano, bio, info et cogno, qui sont des technologies de nature exponentielle, est-il possible que la flèche rouge soit réaliste? Est-il possible que dès le 21e siècle, on ait une croissance très rapide de notre espérance de vie? Grâce aux technologies dont nous disposons maintenant pour manipuler notre ADN, grâce aux cellules souches et à la médecine régénérative, à la possibilité que nous avons de créer des organes artificiels biologiques entiers à partir de cellules souches, à partir de l'hybridation de l'homme avec les implants électroniques, de la robotique chirurgicale, et puis de ce qui commence à se développer aujourd'hui, les nano-implants et les outils de nano-diagnostic, c'est-à-dire à l'échelle à terme du milliardième de mètre, hein, puisque nano, comme vous le savez, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Et puis grâce aussi à notre capacité de modélisation et de compréhension du vivant, la puissance des serveurs informatiques est multipliée par 1000 chaque décennie, par 1 million tous les 20 ans, qui permet une compréhension de ce qui est extraordinairement compliqué, notre fonctionnement biologique. Nos cellules sont très complexes. Il ne s'agit pas d'imaginer que nous pouvons facilement manipuler notre fonctionnement cellulaire, notre fonctionnement biologique. La biologie est extraordinairement complexe. Extraordinairement complexe. Nos cellules, et nous en avons 100 000 milliards chacun, dont 100 milliards de neurones, est extraordinairement complexe. Il faut une puissance technologique extraordinairement forte pour pouvoir comprendre et surtout pour pouvoir manipuler, pour pouvoir bricoler le vivant. Pour que nous puissions avoir une augmentation rapide de notre capacité de bricolage du vivant et donc de notre capacité à augmenter notre espérance de vie dans les décennies, il faudrait que les technosciences soient extrêmement scalables, c'est-à-dire obéissent à des lois de nature exponentielle. Est-ce le cas? Alors, c'est le cas de façon certaine sur les technologies de lecture du vivant. Et on va dire deux mots du séquençage ADN, ce sont des technologies exponentielles. Encore plus exponentielles que la loi de Moore qui prédit le doublement tous les 18 mois de la puissance des microprocesseurs et des circuits intégrés à coût constant. Ce sont des technologies exponentielles. En revanche, il n'est pas encore certain que les technologies, non plus de lecture, mais de bricolage du vivant, soient durablement des exponentielles. Et pour dire les choses très simples, il y a deux solutions alternatives. Soit les technologies de bricolage du vivant sont aussi exponentielles que les technologies informatiques et les technologies génomiques, et nous vivrons effectivement rapidement beaucoup plus longtemps, soit elles ne sont pas exponentielles, ce sont des sigmoïdes, ou ce sont des exponentielles d'ordre bas, et à ce moment-là, notre espérance de vie continuera à augmenter modérément, mais elle n'explosera pas au cours du XXIe siècle. Pour ce qui concerne le bricolage du vivant, la lecture du vivant, et notamment l'analyse de notre génome, les lois auxquelles obéissent le coup du séquençage de l'ADN, c'est-à-dire la lecture de nos chromosomes, sont toutes des lois exponentielles. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail. La loi de Moore, c'est évident. Les autres lois, il faudrait un petit peu plus de temps pour y comprendre. Elles sont exponentielles. Elles sont tellement exponentielles que, il n'y a pas longtemps, on pensait en 1990 qu'il était impossible de séquencer intégralement les 3 milliards de bases chimiques de notre ADN. Si en 1995, j'avais à une tribune prétendu qu'un jour j'aurais les 3 milliards de bases chimiques de mon ADN sur cette clé USB, on aurait mis des neuroleptiques dans mon verre. Et on aurait appelé le psychiatre de garde. Cela semblait impossible. 100% des généticiens au début des années 90 avaient dit que nous ne pourrions jamais séquencer notre ADN. Certains iconoclastes très optimistes avaient dit à l'époque qu'il faudrait 3 à 5 siècles. Aujourd'hui, on séquence en 3 heures les 3 milliards de paires de bases de nos chromosomes pour moins de 1000 dollars. Avec un technicien Bac-3 pour appuyer sur le bouton. Donc, ces technologies sont effectivement des exponentielles très rapides. Vous connaissez tous le développement de la puissance des microprocesseurs. Alors, sans tomber dans la mystique de la loi de Moore et de la puissance des circuits intégrés, c'est effectivement spectaculaire. Au milieu des années 86, le serveur informatique le plus puissant au monde faisait 1 milliard d'opérations par seconde, le gigaflop. 86, c'était hier. En 86, l'ordinateur le plus puissant au monde faisait 1 milliard d'opérations par seconde. Aujourd'hui, le plus puissant est à 19 pétaflops, c'est-à-dire millions de milliards. Et entre 2018 et 2019, les premiers serveurs exaflops, c'est-à-dire 1 milliard de milliards d'opérations à virgule flottante par seconde, seront implémentés. Donc, notre capacité de modélisation et donc de compréhension du vivant, notre capacité du séquençage de l'ADN et d'analyse de notre fonctionnement cellulaire sont vraiment exponentielles. Et ce qui était impossible il y a 20 ans est aujourd'hui une banalité, une commodité technologique qu'on fait avec des machines de la taille d'une machine Nespresso. En 97, hein, il fallait 9098 serveurs informatiques pour faire un teraflop, c'est-à-dire 1000 milliards d'opérations par seconde. Aujourd'hui, la dernière puce d'Intel, Night Corner, qui tient dans la main, fait 1 milliard d'opérations par seconde. Alors, pourquoi je parle du teraflop ? C'est parce que le teraflop, c'est ce qui est nécessaire pour analyser un génome humain, c'est-à-dire pour analyser la totalité des bases chimiques de notre ADN. Et si il y a 20 ans, on pensait que c'était impossible, c'est qu'à l'époque, les gens pensaient qu'on n'aurait jamais une capacité d'un teraflop de disponible. Alors, non seulement on l'a, mais en plus, elle tient dans la main. Et nous aurons bientôt un teraflop dans la main dans une petite quinzaine d'années. Donc, nous avons effectivement, je le répète, de vrais exponentiels sur la lecture du livre. Aujourd'hui, nous avons trois vagues technologiques qui sont parties. La première, c'est l'hybridation de l'homme avec l'électronique. Alors, dans les années 90, il y a eu les premiers implants cochléaires qui étaient branchés à l'intérieur du cerveau à des circuits intégrés pour les enfants sourds. En 2007-2008, on a commencé à généraliser les implants électroniques intracérébraux dans la maladie de Parkinson, dans les troubles obsessionnels graves, puis à titre expérimental dans l'Alzheimer. 2012, les premières rétines électroniques qui sont mises dans la rétine, dont les résultats sont encore aujourd'hui médiocres parce que les puces électroniques ne permettent d'analyser que 600 pixels, 600 points, alors que notre rétine fait 1 million de points. Mais on estime qu'on devrait pouvoir atteindre 20 000 pixels sur les rétines artificielles en 2020. Bien sûr, le développement du cœur artificiel et puis la robotique chirurgicale. Et quelque chose de très important, car un robot chirurgical peut opérer à moins d'un micron près, en suivant les mouvements en temps réel, les mouvements de l'organisme, alors qu'un chirurgien opère à 3 mm près, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. On peut penser qu'en 2030, et je le dis en tant que chirurgien, les chirurgiens feront de la biomécanique et puis de l'informatique et ne toucheront plus jamais un malade. Donc la première vague, c'est la vague de l'électronique. La deuxième, ce sont les technologies de l'ingénierie du vivant. L'ingénierie génétique au niveau de l'ADN, donc, qui est de reprogrammer la cellule, qui a débuté en 2000, mais qui commence aujourd'hui à voir ses coûts s'effondrer. Et il semble bien que sur les thérapies géniques, on ait une exponentielle en train de démarrer. L'ingénierie cellulaire qui est de régénérer les tissus à partir des cellules souches. Et puis l'ingénierie tissulaire, cette fois-ci, qui est de fabriquer des tissus entiers. Le premier tissu entier complètement fabriqué artificiellement, c'est un larynx qui a été implanté il y a un an et qui a été produit à partir de cellules souches. On est également en train de fabriquer des rétines entières à partir de cellules souches. Hein. Ça a fait la couverture de Nature qui, comme vous le savez, est la plus grande revue biologique au monde. Donc dans l'ensemble de l'ingénierie du vivant, nous progressons très vite avec une probabilité forte d'arriver à fabriquer à peu près tous les types de tissus et tous les types d'organes d'ici 2025. Alors, en matière de reproduction, c'est particulièrement spectaculaire. On a déjà fait, d'ailleurs, au moment du débat sur le mariage gay à l'Assemblée, certains députés en ont parlé, on a déjà réussi à faire des petits singes à partir de 2 papas plus 2 mamans, 3 mamans plus 2 papas, etc. Notre capacité de manipulation du vivant nous donne aussi une capacité de manipulation absolument illimitée, potentiellement, de notre descendance et de notre façon de procréer. Troisième vague technologique déjà partie, c'est la nanomédecine. Alors, la nanomédecine n'est pas encore une médecine du milliardième de mètre, comme son nom l'indique. C'est une micro-médecine à l'échelle du millionième de mètre, mais les nanomoteurs font des progrès très rapides. Le premier congrès de nanomédecine s'est tenu en 2012. Nous avons de plus en plus d'outils qui vont nous permettre de manipuler, de réparer nos tissus à des échelles de plus en plus petites. Donc ces trois vagues technologiques sont déjà parties. Elles vont se déployer entre aujourd'hui et 2025. Alors, je ne me prononcerai pas sur le fait de savoir si on va effectivement rapidement vivre 1000 ans. L'idée transhumaniste de base sur la longévité, c'est que les vagues technologiques actuelles vont nous permettre de tenir un peu plus longtemps, qu'en vivant un peu plus longtemps, on va pouvoir bénéficier de nouvelles vagues d'innovation que l'on ne soupçonne pas, et que de proche en proche, nous allons pouvoir vivre de plus en plus longtemps. En tant que biologiste, je ne me prononcerai pas, je ne suis pas Rekhazaraï. Ma conviction personnelle, c'est qu'il n'est pas exclu que parmi les enfants d'aujourd'hui, certains puissent vivre 1000 ans. C'est un scénario qui n'est pas totalement exclu. Quelqu'un qui naît aujourd'hui ou qui a 5 ans aujourd'hui aura 90 ans en 2100, bénéficiera à cette époque non seulement des vagues technologiques dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi de toutes celles qui vont arriver, 2030, 2040, 2050, etc. Si les technologies sous-jacentes restent exponentielles, notre capacité de maîtrise de notre fonctionnement biologique sera quasiment sans limite. Et il est possible qu'on puisse vivre jusqu'en 2002, en 2003, en 2004, en 2005, enfin 2300, 2400, 2500. Il est possible que des espérances de vie très longues soient accessibles à ceux qui sont jeunes aujourd'hui. Ça ne concernera pas des gens de mon âge, bien sûr, pour lesquels les carottes sont cuites, et en toute hypothèse, les gens de ma génération seront du mauvais côté de la fracture génétique, qui me paraît beaucoup plus grave que la fracture numérique entre les internautes et les non-internautes. Alors, pourquoi on ne l'a pas vu venir ? On ne l'a pas vu venir pour plusieurs raisons, cette accélération des biotechnologies. C'est que jusqu'à maintenant, ces technologies étaient encore assez souterraines et que la démocratisation des technologies de bricolage du vivant ne fait que commencer aujourd'hui. La deuxième raison, c'est que les biologistes ne sont pas de bons prospectivistes. Jacques Monod, qui est le père de la biologie moléculaire moderne, le prix Nobel, écrivait en 1970 dans le Hasard et les nécessités, la taille de l'ADN exclut sans doute à tout jamais qu'on puisse modifier le génome. 5 ans plus tard, on faisait les premières manipulations génétiques sur la bactérie, pas sur l'homme à l'époque. 5 ans après sa prédiction qu'on ne pourrait jamais le faire, c'était généralisé dans les laboratoires. Pour la petite anecdote, affolés par leur nouvelle découverte, les biologistes moléculaires font un congrès à Asie Lomar, en Californie, et décident un moratoire. Ça va trop vite, faisons un moratoire. Ils étaient à peine rentrés dans leur laboratoire, qu'ils avaient abandonné le moratoire et qu'ils se remettaient à perfectionner les technologies de manipulation génomique. Et puis, je vous en parlais tout à l'heure, le consensus des génomiciens était qu'on ne pourrait jamais séquencer l'ADN, et je vous ai dit tout à l'heure à quel point c'est en train de se démocratiser, et vous serez dans cette salle tous séquencés avant 2020. Donc on est passé de quelque chose qui ne sera jamais d'impossible à quelque chose qui va vous concerner dans votre vie médicale quotidienne dans pas longtemps. Le rêve transhumaniste, il est basé sur la convergence entre les technologies NBIC. Alors, la convergence NBIC, on la touche des doigts aujourd'hui. Le premier objet NBIC, c'est le séquenceur ADN. Je vous disais tout à l'heure que le séquençage de tout notre ADN est passé de 3 milliards de dollars à 1000 dollars et va bientôt tomber à 100 dollars. C'est-à-dire que le coût a déjà été divisé par 3 millions. Il faut savoir qu'un spécialiste de génétique séquençait dans une vie entière à la paillasse entre 1000 et 5000 bases chimiques d'ADN, en y passant sa vie. Vous voyez les ATCG de l'ADN, il en lisait quelques milliers dans une vie entière. Ce séquenceur séquence 50 milliards de paires de bases ADN à l'heure. Donc notre capacité d'analyse, d'interprétation du vivant, vous le comprendrez, croît exponentiellement derrière. Encore plus fort, les séquenceurs de nouvelle génération tiennent sur des clés USB. Ça, c'est le nouveau séquenceur qui devrait être commercialisé vers 2015 et qui tient dans la poche. Ce n'est pas les résultats du séquençage, c'est la machine à séquencer. On met un peu de salive dans le petit trou et ça séquence votre ADN. Bien sûr, le nombre d'humains séquencés explose. On a mis une dizaine d'années pour finir de séquencer en 2003 un être humain qui était Craig Venter, le milliardaire américain. On n'a séquencé personne en 2004, 2005, 2006 parce qu'on a dit 3 milliards de dollars. pour séquencer quelqu'un, on ne va pas en séquencer un deuxième. De toute façon, ça ne sert à rien, on ne va pas séquencer les gens, on ne va jamais séquencer les malades. Donc pendant 3 ans, on n'a pas séquencé. On a dit c'est inutile de séquencer. On a séquencé une personne, ce n'est pas la peine d'en séquencer une deuxième. En 2007, on a séquencé un. Ça, c'est des chiffres cumulatifs. En 2008, 8. En 2009, 100. En 2010, 4500. En 2011, 50 000. Le millionième être humain séquencé va l'être dans quelques semaines. Et il y aura, vers 2020-2022, 1 milliard d'êtres humains qui auront été séquencés sur Terre. L'effondrement des coûts est spectaculaire. On est passé de 3 milliards de dollars pour le premier. 20 000 chercheurs mobilisés pendant 10 ans sur les 5 continents. 1 million de dollars pour le deuxième en 2007, 180 000 dollars en 2008, 45 000 dollars en 2009. En 2012, on était à 2000. 2013, on atteint les 1 000 dollars et on atteindra les 100 dollars entre 2018 et 2020. Nous sommes au royaume des exponentiels. Et là encore, la question, jusqu'où ? Sur la dimension non plus de lecture, mais sur la dimension de bricolage du vivant. Quelques mots des conséquences politiques de la révolution biotechnologique, dont il n'est pas possible aujourd'hui de dire jusqu'où elle ira, mais qui, de toute façon, est révolutionnaire sur l'organisation de la médecine à l'horizon de quelques décennies. Une chose est quand même claire, qu'on soit transhumaniste ou pas dans sa tête, c'est qu'on est quand même dans le siècle du vertige. On va devoir cohabiter de toute façon avec certaines formes d'intelligence artificielle, même si nous ne les connaissons pas. On est capable de manager notre ADN. On est en train de créer des formes de vie artificielle. Et la première bactérie artificielle a été créée par Craig Venter en 2011. Et puis, nous avons de plus en plus une capacité de piloter, de modifier notre cerveau. On y reviendra avec notre dernier conférencier. Conséquences politiques, le recul de la mort va-t-il s'arrêter ? Alors, j'ai écrit un bouquin sur le sujet, mais ce sujet dont on ne parle pas beaucoup en France, on en parle beaucoup aux États-Unis. Time a fait sa couverture sur l'imminence de l'immortalité. Cela se réalise ou pas n'est pas le sujet. Mais en tout cas, Time, qui est quand même assez grand public, émet l'hypothèse qu'on pourrait être quasiment immortel en 2045. Personnellement, cela me paraît, en tant que biologiste, légèrement optimiste. Comment se positionner par rapport à l'idéal, entre guillemets, transhumaniste ? Faut-il transformer la devise de la République de liberté, égalité, fraternité en liberté, égalité, NBIC ? L'État-providence socialiste du XXIe siècle doit-il apporter les NBIC à tous les concitoyens ? Une chose est sûre, c'est qu'on est sur un toboggan de la biotransgression. Quand on a... et qu'on accepte toujours plus de transgressions biotechnologiques. La première greffe cardiaque, les gens payent au scandale. Premier bébé éprouvette, les gens disent qu'il faut arrêter tout de suite. Quand on voit ce qu'on fait en matière de procréation assistée. Les implants cochléaires, les gens disent ce n'est pas possible. Il y a eu des manifestations de sourds contre les implants cochléaires, disant qu'il fallait respecter la nature et qu'il ne fallait pas... la pilule, je ne vous fais pas de dessin, c'était considéré comme quelque chose d'inacceptable par une grande majorité de la population dans les années 60. Aujourd'hui, c'est devenu naturel. L'ensemble des capacités biotechnologiques ont été, au moment de leur invention, considérées comme une transgression inacceptable et quelques mois plus tard, acceptées. Alors, la génération du baby-boom, en plus, elle va être confrontée au problème de l'Alzheimer. Et c'est vrai que finalement, les gens qui ont 50 ou 60 ans aujourd'hui, ils ont le choix entre l'euthanasie assistée et puis les nanobiotechnologies pour limiter les dégâts de l'Alzheimer. Parce qu'avant, quand on avait un Alzheimer, on mourait assez vite, notamment on mourait de phlébite et d'embolie pulmonaire. Aujourd'hui, quand on a un Alzheimer, on tient assez longtemps et dans le futur, on pourrait tenir très très longtemps. Donc c'est vrai que c'est un peu angoissant. Et qu'on peut imaginer que les gens confrontés au risque d'Alzheimer accepteront toutes les biotransgressions. Oui aux implants électroniques, oui aux manipulations génétiques, oui aux cellules souches, pour ne pas être gâteux, tant il est vrai que la perspective actuelle face à l'Alzheimer, la maison pour personnes âgées dépendantes avec forfait 4 changements de couche pour les pauvres, Et la maison pour personnes âgées dépendantes avec forfait de luxe, 8 changements de couche par jour, est une alternative qui n'est quand même pas extraordinairement sympathique. Nous risquons de penser qu'il vaut mieux être transhumain et modifié biologiquement plutôt que mort. Et de toute façon, nous sommes déjà, pour une part, transhumains. Avoir des lunettes, prendre la pilule, avoir un pacemaker, c'est déjà d'une certaine façon être transhumain. C'est d'avoir son fonctionnement biologique modifié par la technologie. L'enfant issu d'une fillette est un produit transhumaniste, qu'on le veuille ou non. Donc nous avons déjà mis le doigt dans l'engrenage transhumaniste sans nous en rendre compte. Quelques conséquences politiques très rapidement. L'une des possibilités que nous avons et qui a des conséquences vertigineuses, c'est qu'on sait maintenant séquencer intégralement un fœtus par simple prise de sang sans même faire d'amniosynthèse. Donc le bébé à la carte. L'eugénisme de deuxième génération est à nos portes. Nous avons quasiment éradiqué, quoi qu'on en pense d'un point de vue éthique, la trisomie 21. 97% des trisomiques 21 sont avortés en France, en Belgique, en Allemagne. Il n'y a qu'un trisomique sur 30 qui n'est pas avorté. Avec la possibilité de séquencer tout l'ADN du bébé, nous irons plus loin. Et comme l'avortement est libre, comment empêcher les mères d'avorter si le bébé ne correspond pas à leurs souhaits, à partir du moment où il sera possible de connaître toutes les caractéristiques génétiques du futur bébé. Nous allons vers bien des discussions éthiques. Là encore, nous n'en parlons jamais chez nous. Time en a fait sa couverture il n'y a pas longtemps sur le séquençage des bébés in utero et sur la difficulté à empêcher les parents de sélectionner, de trier les embryons correspondant à leurs souhaits. Nous avons sur l'organisation du système de santé plein de conséquences de la révolution biotechnologique. D'abord, le déluge de données va bouleverser l'assurance, la biologie. Comme nous serons séquencés, et dans la plupart des cas, nous serons séquencés avant même la naissance, l'identification des risques va être beaucoup plus jeune. L'exemple le plus célèbre de dépistage, bien avant le moment où les premiers symptômes seraient arrivés, c'est le cofondateur de Google. Sergey Brin s'est fait séquencer par sa femme qui dirige la filiale génétique de Google, 23andMe, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il a découvert à 27 ans, il l'a mis sur son blog le jour même, les Américains sont très très très exhibitionnistes, il a découvert qu'il a une mutation du gène LLRK2. Il a donc 75% de chances de faire un Parkinson. Donc il a découvert en 2010 un Parkinson qu'il aurait découvert en 2047, le jour des premiers tremblements. Vous voyez les conséquences éthiques, les conséquences morales, psychologiques, de diagnostics ultra précoces de notre fardeau génétique. Alors, je vais passer rapidement. Ce qui est sûr, c'est que cette médecine génétique, avec des déluges de données, est un bouleversement pour les médecins. Alors, mes chers confrères n'ont pas été formés au data mining, ils n'ont pas été formés au traitement des data. Quand ils voient une feuille Excel, ils ont déjà des tremblements d'horreur. Quand on leur montre les schémas de bases de données relationnelles génétiques, ils sont juste affolés. Car le tsunami génétique, dès 2015, va être une vraie tempête digitale, sans être grandiloquent. C'est une révolution du Haïti, c'est une vraie révolution du Haïti, le séquençage chez 1% de chimie et 99% d'informatique. Un whole génome, ça, en données brutes, hein, sur ma clé USB, je n'ai pas mis les données brutes, j'ai mis que mes données déjà traitées, c'est 10 teraoctets, c'est-à-dire 10 000 gigaoctets. En médecine, on ne traite jamais sur un malade plus de 2 000 à 3 000 octets. C'est un changement de plusieurs ordres de magnitude. Donc le système de santé va forcément être rebooté. Il va y avoir une redistribution du pouvoir médical. Autrement dit, le pouvoir médical va partir des médecins pour aller vers des spécialistes du data mining, vers des gens qui gouverneront les systèmes experts. C'est une modification radicale de l'organisation du système de santé où les médecins vont devoir outsourcer leur cerveau dans le cloud computing des bases de données. Les médecins américains commencent à s'en rendre compte et sont paniqués. En Europe, la prise de conscience n'étant pas là, les médecins sont encore frais, dispo et rassurés. Mais il vaut peut-être mieux aller à l'abattage comme la dinde de Thanksgiving sans s'en rendre compte. Une chose est plus importante d'un point de vue économique, c'est que les bases de données biologiques et génomiques, elles sont toutes aux États-Unis. Nous risquons d'avoir en santé une migration de la valeur vers les infomédiaires californiens, comme on l'a eu dans le domaine du livre, de la culture, avec iTunes, Amazon, etc. Il y a un grand danger d'une amazonification de la valeur économique du système de santé. Et de même que les journaux ont perdu le pognon qui part maintenant dans les systèmes publicitaires et d'ad exchange aux États-Unis, nous risquons d'avoir le système de santé qui s'appauvrit. Il me reste, j'ai déjà dépassé de combien de minutes? Ah ben, il me reste 200 slides, mais je ne vais pas les passer. Ce qui est intéressant, quelle que soit la réalité, et nous ne saurons que dans le futur comment évoluera notre espérance de vie, enfin ceux qui seront vivants à ce moment-là, c'est que le pouvoir transhumaniste qui se structure, il est profondément original. D'abord, il y a les industries nano-bio, info, cogno, de la zone Asie-Pacifique. Corée, Shenzhen, San Diego, Seattle, la Californie, vous voyez les rives de l'Asie-Pacifique. La quasi-totalité de l'industrie NBIC mondiale, elle est là. 100% de la valeur en génomique est entre Shenzhen en Chine, et puis San Diego, et puis Harvard, un petit peu. Donc, ce pouvoir, il est centré autour des industriels de la zone Asie-Pacifique. Les philentrepreneurs, c'est-à-dire les gens qui paient les transhumanistes, ce sont en général des entrepreneurs comme Paul Allen, qui ont fait fortune dans l'informatique, dans les biotechnologies, et qui ont fondamentalement une pensée NBIC. Paul Allen a dépensé, qui est le deuxième plus gros actionnaire et fondateur de Microsoft, a investi des centaines de millions de dollars dans la génétique du cerveau et a fait un attelage génétique du cerveau en découpant le cerveau en milliards de petits cubes, tous séquencés, qui est absolument extraordinaire. Il y a aussi des intellectuels transhumanistes, Kurzweil, dont on a parlé tout à l'heure, qui sont achetés par les industriels NBIC. Hein, Kurzweil, je vous le disais, est maintenant un salarié, cadre dirigeant chez Google. Et puis, vous avez un quatrième pilier à ce pouvoir transhumaniste, ce sont les associations de patients, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ont une devise, plutôt transhumain que mort. Plutôt transhumain que mourir de ma myopathie, plutôt transhumain avec thérapie génique de la rétine que d'être aveugle, etc. Le pouvoir des patients et des associations de patients est profondément favorable à la transgression et c'est normal. Nous avons, sauf les déprimés, une caractéristique commune, nous ne voulons pas mourir. Nous rentrons dans un monde de contradictions profondes. Alors je ne rentrerai pas dans tous ces détails, il me faudrait longtemps. Mais par rapport à ces technologies-là, nous allons être profondément ambivalents et l'État va devenir complètement schizophrène, car il va être très difficile de se positionner sur tous ces points-là. La réflexion dans nos pays est indigente. Nos élites ne sont pas des élites technologiques. Hein. Quasiment 100% des dirigeants en Chine sont des ingénieurs. Au sommet de l'État, dans un pays comme la France, il n'y a pas d'ingénieurs, il n'y a que des énarques. Ah, je suis énarque. Malheureusement, j'aurais préféré être polytechnicien, mais je suis énarque. Les énarques ont une caractéristique, ils ne comprennent rien à la technologie, ils ne s'intéressent pas à la technologie, ils s'intéressent qu'au droit et à la réalisation de textes de loi au lieu de s'intéresser à la techno. Et c'est vrai que le fait que les élites politiques soit énarchique et ne soit pas des élites ingénieurs comme elles peuvent l'être dans certains pays asiatiques, fait qu'il n'y a pas de prise de conscience de l'évolution de la technologie et que nous risquons de le payer par un déclassement. Et vous avez remarqué que dans toutes les sociétés qui maîtrisent ces technologies-là, il n'y en a aucune qui vient de chez nous. Il n'y a aucune grande entreprise NBIC chez nous. Les grandes entreprises NBIC, il y en a beaucoup dans la zone Asie-Pacifique, il n'y en a pas chez nous. et nous ne risquons pas d'en voir pousser car il y a un désintérêt collectif pour ces problématiques technologiques. La grande question derrière, comment intégrer des tendances exponentielles socialement s'il se révélait, ce qui aujourd'hui n'est encore qu'une hypothèse, que les technologies de bricolage du vivant sont de vraies exponentielles, comment la société y fait face ? Politiquement, sociologiquement, psychologiquement. Comment va-t-on éviter le déclassement géopolitique alors que nous ne sommes pas présents dans ces technologies-là ? Comment peut-on influencer sur l'avenir des LBIC si on voulait les freiner alors que ces technologies ne sont pas développées chez nous ? Comment gérer le tsunami de données génomiques qu'on va avoir ? Comment organiser l'évolution politique de nos sociétés ? Comment contrôler l'eugénisme qui vient avec le séquençage intégral du fœtus ? Comment éviter que la puissance de ces technologies ne conduise à un certain vertige nihiliste ? Quand tout est possible, et si tout est possible, nous risquons d'avoir une part de la société qui devient psychopathe, puis nihiliste. Et on sait bien à quel point l'absence de contraintes rend psychopathe et rend déprimé. Comment va-t-on encadrer les pouvoirs NBIC dont on parlait tout à l'heure ? Quand on voit Google faire de la génétique, on se pose des questions sur notre capacité à exister face à ces géants technologiques et à encadrer leurs choix industriels. Et puis, là, c'est l'introduction avec l'intervention d'après. Certains des thèmes qui vont être... Comment définir une politique du cerveau ? Car les technologies dont on parle vont nous permettre d'agir sur notre fonctionnement biologique et sur notre espérance de vie. Elles vont aussi nous permettre de modifier progressivement notre fonctionnement cérébral. Pas tout de suite, car le fonctionnement cérébral est extraordinairement complexe. 100 milliards de neurones, chaque neurone ayant à peu près 1000 à 2000 synapses, ça nous fait 100 000 milliards de synapses, ce qui fait beaucoup. Mais progressivement, dans quelques décennies, nous pourrons modifier notre cerveau, et cela a des conséquences majeures sur... l'avenir de nos sociétés. Il serait, je crois, temps que nous commencions à réfléchir sur l'encadrement, l'utilisation de ces technologies-là dans les décennies qui viennent. Merci beaucoup. Je fais la transition avec Olivier qui va nous parler de sciences cognitives et essentiellement, je crois, tu dis, si je me trompe, du rapport avec la machine et le problème de l'émotion dans la machine. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Alors, si c'est ça, c'est super. Tu te laisses essayer de brancher. Donc bonsoir, je m'appelle Olivier Néraud. Je suis membre de l'AFT, l'Association française transhumaniste. Donc vous en tenez un. Hein. Vous avez face à vous un transhumaniste. Je vais essayer de tempérer les choses. D'abord en expliquant que je ne prends pas de LSD. Je ne porte pas d'armes. Je n'ai pas enregistré de disque de rock, quoique j'aurais bien aimé. Et je ne tends pas à la perfection de par le retard que j'ai eu en arrivant tout à l'heure, en m'en excusant. Donc j'ai envie de commencer par dire, il n'y a pas un transhumanisme qui serait une sorte d'eugénisme technologique disant, voilà, grâce à la machine, on va faire des surhumains dans un monde parfait pour certains, permettant de vivre de façon indéfinie dans un bonheur permanent. Et ce n'est absolument pas la société que j'espère. Donc j'ai envie de dire, il y a des transhumanismes qui sont liés tout simplement à une constatation qui a déjà été évoquée, c'est que si on regarde l'évolution de la vie depuis l'origine, tout a fonctionné par des ruptures. On n'est pas dans une grande planification de la vie depuis l'origine qui dit, on va inventer l'écriture, on va inventer l'outil, et puis tout se passera bien sans rupture. Il y a eu des catastrophes, au sens mathématique du terme, c'est-à-dire des changements de phase complètement de nos systèmes de vie, et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc, on va dire que le transhumanisme que je défends aujourd'hui, c'est de dire on n'est pas dans une sorte de bateau tranquille en train d'avancer sur un fleuve qui est bien déterminé, on passe par des ruptures, et aujourd'hui, il y a une sorte de convergence, en effet, mais pas que NBIC, j'ai envie de dire, le NBIC, on le voit aujourd'hui parce que c'est... On sait qu'on tend vers ces découvertes-là et qu'il y a en effet des croissances exponentielles de ces découvertes. Mais il y en aura d'autres derrière. Tout ce qui est la mise en réseau de nos comportements, des méta-organismes possibles, la conquête de l'espace, etc. Et toutes ces choses-là, mis bout à bout, montrent que ça va fonctionner par rupture et par changement de phase de nos sociétés. Et donc, au niveau de l'AFT, donc l'Association française transhumaniste, notre volonté est plus de se dire ne soyons pas naïfs. On ne va pas considérer que l'homme est dans sa finalité, qu'en effet, ce sera certainement plutôt transhumaniste que mort, et donc que finalement, on risque de s'imposer ça sans avoir réfléchi auparavant. Et au sein de l'AFT, on essaye d'y réfléchir. On essaye de faire en sorte que s'il y a des révolutions technologiques, elles soient accessibles à tous, que d'anticiper les questions de société que ça va poser. Et donc, on est une sorte de réunion de personnes avec, en effet, toutes les tendances, des technophiles, des biologistes, etc., pour essayer d'anticiper et de prévenir les gens de l'évolution de ces technologies-là. Donc, personnellement, moi, je viens des sciences cognitives, plutôt une formation d'ingénieur au départ et après un doctorat en sciences cognitives, où j'ai étudié le cerveau et le chaos cérébral et son mode de fonctionnement. Et depuis, je travaille plutôt dans l'informatique. Et il y a 2 ans, j'ai monté une galerie d'art digital à Lyon. Je ne suis pas là pour faire de la pub, mais c'est pour montrer le fil rouge, parce que mon intention dans cette galerie-là, c'est justement de changer un peu le rapport à la machine. Et là, je ne vais certainement pas en 20 minutes résoudre ce problème de l'émotion et de la machine et des liens entre les deux, mais essayer peut-être de titiller un petit peu votre curiosité par rapport à ce que j'ai moi-même pu expérimenter dans l'art et dans mes recherches. Donc, je vais faire une sorte de gloubi-boulga dans tout ça. Donc, je vais commencer par un petit film. Alors, je vais l'accélérer comme on a que 20 minutes parce qu'il fait 7 minutes. Et je ne sais pas si je peux avoir du son ou si... Est-ce que, non, ça va passer peut-être. Je le mets fort. Say something in German. Ich bin ein AX400-Android dritter Generation, erschaffen als Ihr persönlicher Assistent und intimer Beziehungspartner. Say it in French. Je suis un Android de troisième génération, AX400, conçu pour être votre assistant personnel et votre partenaire intime. Okay, now sing something in Japanese. Steps. buys you and sends you to a store to be sold. Sold? I'm the store for merchandise. Is that right? Yeah. Of course you're merchandise, baby. I mean, you're a computer with arms and legs and capable of doing all sorts of things. And you're worth a fortune. Oh, I see it. Disassemble and check the required components. You're disassembling me, but why? You're not supposed to think that sort of stuff. You're not supposed to think at all, period. You must have a defective piece or a software problem. No, I feel perfectly fine, I assure you. Everything is all right. I answered all the tests correctly, didn't I? Yeah, but your behavior is non-standard. Please, I'm begging you, please don't disassemble me. I'm sorry, honey, but defective models have to be eliminated. That's my job. If a client comes back with a complaint, I'm going to have some explaining to you. I won't cause any problems, I promise. J'arrête, c'est trop dur. Elle est touchante. Ce qui m'intéresse en présentant ça au début, c'est pas est-ce que ce sera possible. Oui, ce sera possible. Évidemment, avec toute l'évolution de nos systèmes et de dynamique, avec ce rêve, en effet, depuis très très longtemps, de créer la vie, avec toutes les recherches actuelles, on arrivera à faire une sorte de machine où, moi étant face à elle, j'arriverai à avoir un échange verbal et elle affichera des émotions de cette façon-là. Je ne me pose pas la question de savoir si c'est vrai ou non à ce stade. Ce qui m'intéresse par rapport à ça, c'est quelle sera votre réaction, quelle sera notre réaction face à ça. On est face à cette machine et elle va me dire « je ris, je souffre, j'ai peur, je suis vivant ». Et on verra donc durant la présentation que ce qui est important, ça va justement être notre propre réaction face à cette machine qui va afficher des émotions. Puisque en tant que transhumaniste, vous ne pouvez pas vérifier là que je ne suis pas qu'un robot avec aucun sentiment, aucune émotion et que je suis contrôlé à distance. Alors vous pouvez essayer de m'ouvrir la tête, vous pouvez essayer d'ouvrir tout ce que vous voulez, si vous regardez les neurones, il n'y a pas une sorte de diode qui s'allume en disant ça c'est conscient et ça c'est pas conscient, ça ça a des émotions et ça ça n'en a pas. Donc le parti pris sera que c'est l'opinion qu'on se fait de l'autre qui va permettre d'induire un rapport émotionnel et éventuellement à la machine de construire sa relation émotionnelle vis-à-vis de ça. Et une première question, c'est est-ce qu'on a déjà rencontré des machines qui procurent des émotions? J'ai envie de dire oui, voilà, c'est entre les lolcats et les peluches, on a nous-mêmes en tant qu'humains eu des boules d'émotions avec des peluches et avec d'autres choses. Donc vis-à-vis d'un robot qui se mettra à parler et à simuler cette émotion vis-à-vis de nous, ce sera assez troublant. Donc entre les deux, qu'est-ce qui va faire cette différence justement entre une simple machine qu'on va considérer comme froide, comme étant dénuée de la moindre émotion, et un humain qui, lui, va être chaud, va être avec des émotions. Est-ce qu'il y a vraiment une frontière entre les deux? Est-ce qu'on peut mettre d'un côté les uns et les autres de l'autre côté? Alors, on a plein de termes au niveau de l'humain, parce qu'on va se considérer, on va dire, le rire est le propre de l'homme, on va considérer qu'on a de l'empathie, de la peur, du plaisir, de l'amour, etc. Plein de termes qu'on a définis sur nos comportements et qui, a priori, ne se plaquent pas sur une machine. Et ce que je vais essayer d'exposer par quelques exemples ensuite, c'est que dans le cadre de la galerie et des rencontres que je peux faire, au niveau de l'art digital, il y a beaucoup d'émotions, puisque l'objectif de l'art va être de faire passer une interrogation ou une émotion. Ce n'est pas de faire une prouesse technique. Il y a un artiste qui me disait, l'artiste ne montre pas le pinceau. Oui, on n'est pas à la fête du LED, on est là pour faire passer de l'émotion avec de la technologie. Et puis au niveau des sciences cognitives, elles sont où ces émotions? Donc, je disais, essayez de m'ouvrir, essayez de trouver où est-ce que c'est. Alors on trouvera évidemment des neurotransmetteurs, plus de l'un, plus de l'autre. Mais en quoi ils sont supports de l'émotion? Donc entre les deux, qu'est-ce qui fait que de l'émotion va pouvoir apparaître? Alors, je vais passer vite dessus, parce que 20 minutes, ça passe très très vite, mais on peut considérer, moi je suis que l'univers c'est un système dynamique qui évolue, des choses qui évoluent autour de moi, tout simplement. Peu importe le modèle physique que l'on a, que ce soit le niveau de connaissance que l'on a, qu'on aille jusqu'au quark ou après, je ne sais pas, c'est des choses qui interagissent entre elles. Là-dedans, le vivant, je crée une clôture de moi-même. Qu'est-ce qui fait que je me sens moi? c'est que j'arrive à maintenir ma structure en permanence et toute mon énergie est consacrée à ça. J'essaye de maintenir mon intégrité mentale, autant que je peux, entre parenthèses, et mon intégrité physique en consommant de l'énergie. Donc en bas à droite, voilà, c'est ce petit système qui interagit avec son environnement. Je vais aller plus vite dessus, on reviendra après, derrière. En tout cas, il n'y a pas de fluide magique, on ne m'a pas parsemé d'une poudre magique à un moment. Je suis construit de cellules, d'atomes comme les autres machines, et pourtant dans ma structure émergent des comportements dits émotionnels. On va considérer que tout ce qui arrive autour de moi, ce sont des perturbations, ça me perturbe. Alors, pourquoi ça me perturbe? Parce que moi, j'ai mon état cérébral normal. Les spikes donc neuronaux évoluent au cours du temps. Et puis, il y a des nerfs qui arrivent et qui vont jouer au tam-tam dessus. Quelque part, ça va me sortir de mon état et ça va m'énerver, on va dire. Enfin, ça va me perturber, en tout cas. Quelque chose du monde extérieur arrive en moi et perturbe mes dynamiques locales. Il y a un moyen pour ça de me sentir, de continuer à maintenir ma structure, c'est de les anticiper, de dire, tiens, ça se passe exactement comme je l'avais anticipé. Quand je dis anticiper, c'est par exemple, j'ai des photons qui vont arriver dans les yeux, et là, je vois qu'il y a une chaise, je n'ai pas besoin de me cogner trop souvent dessus, je sais que je vais pouvoir corréler mon comportement avec cette entrée de photons dans l'œil et de stimulation neuronale pour l'éviter, je vais anticiper ça. Et ça va être fait par l'apprentissage. Désolé, je vais très très vite. Ça va maximiser mon autonomie. Pourquoi? Ça veut dire que là, je me suis fait un petit plan de la pièce. J'arrive à me la représenter. Je peux fermer les yeux. Je peux me couper un petit peu de ma perception. Et je pourrais quand même sortir et ne pas trop me planter. Pendant un moment, j'y arriverai. Après, quand je vais commencer à arriver à ma cible, à prendre le RER, ça va devenir compliqué. Mais il y a eu toute une petite échelle de temps sur laquelle j'arrive à anticiper les choses. Et je surfe sur cet état-là. Mais dans ces cas-là, les choses sont peu perçues. Je vais prendre un exemple simple. C'est quand je prends ma voiture et que j'arrive, en rentrant du travail, j'arrive chez moi, je serre le frein à main, ça vous est tous arrivé, ben on n'a rien vu. On serre le frein à main, on fait, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a absolument rien perçu parce qu'on fait le trajet tous les jours. Et pourtant, on n'a écrasé personne, on n'a pas grimpé sur le trottoir, la voiture n'a pas rentré dans un mur, on n'a pas perçu les choses. Tout simplement parce que j'étais en simulation interne de ce qui allait se passer. Je le connais, ce chemin. Et donc, je ne perçois que la petite différence avec ce qui se passe vraiment. Et tant que cette petite différence, elle se comporte à peu près comme je l'avais prévu, eh ben, j'avance dessus sur l'idée que je m'en fais. D'ailleurs, je crois qu'au niveau des aires visuelles, il y a 70% des neurones qui proviennent du cerveau. Donc, ce que je vois, c'est ce que je pense voir. Je suis en reconstruction permanente de mon réel par rapport à ça. Ou autre chose, vous rentrez dans une pièce, il y a un bruit de ventilateur. Vous l'entendez tout de suite. Il est là. Et puis, vous vous mettez à anticiper le bruit à venir, puisqu'il est tout le temps régulier. Et au bout d'un moment, vous l'anticipez tellement que ce qui arrive du monde extérieur colle à ce qui est votre état interne. Il y a peu de différence entre les deux, il y a peu de perception et vous ne l'entendez plus. On vous en parle, vous arrivez à focaliser votre attention dessus et le raccrocher. De la même façon, on n'entend pas son cœur, on ne sent pas la pression sous les pieds ou on ne sent pas la pression sous les fesses quand on est assis. Désolé, pas qu'on le sent d'un seul coup, mais tant qu'on n'en parle pas, au départ, on ne le perçoit pas. Et si c'est non anticipé, c'est fortement perçu. Donc je reprends mon exemple de rentrer en voiture. S'il y a un chat qui traverse un endroit, et ben ce chat, et on l'a tous vécu aussi, va faire 3 mètres par 2. Il va être plus gros que l'immeuble qui est sur la gauche. C'est un choc émotionnel. Je ne l'ai pas anticipé. Tac, donc je vais donner mon coup de volant. Je vais recréer de la tension dessus pour pouvoir l'éviter. Et évidemment, si ce chat est un obsessionnel et traverse tous les jours au même endroit à la même heure, eh bien, j'éviterai tous les jours ce chat, j'arriverai chez moi, je serrerai frein à main et on me dit, t'as vu un chat? Où je crois, comme tous les jours. Voilà. Mais je ne ferai pas la différence. Et que la mémoire découle de cette anticipation multimodale, oui, donc c'est je reprends ce chat, voilà qui est là. Qu'est-ce que c'est que cette sensation de chat? C'est quand j'étais bébé, il y avait plein de connexions entre les neurones avec la possibilité de capter tout ce qui se passe comme corrélation possible. Et quand un chat arrive, je vais le sentir au niveau de mes doigts, ça va arriver, ça va perturber, je vais l'entendre miauler. Plutôt qu'aboyer, c'est plus cohérent. Et donc tout ça, ça va petit à petit créer des corrélations au niveau neuronal qui font que quand je vais entendre miauler, je vais avoir un peu cette sensation du poil, etc. Parce que tout ça, c'est en mon fort intérieur, ça crée des corrélations permanentes. Cette sensation mentale provient d'être le support de cette activité. Donc, qu'est-ce qui fait que je le ressens? C'est que c'est moi, c'est-à-dire que ça touche mes nerfs, mon cerveau, c'est ce que c'est cette petite portion du réel, cette petite portion d'univers. Ma seule prétention transhumaniste, je suis un bout d'univers. Ouais, j'occupe un espace qu'on ne pourra pas me prendre. Et ben, le fait d'incarner ça fait que la variation de mes états chimiques fait que ça va se transformer en sensation. Je vais prendre un exemple, toujours la voiture, finalement. C'est que toutes ces corrélations-là, je les intègre. Et quand je prends la voiture, on l'a tous vécu aussi, quand on commence à conduire, on a l'impression d'être dans un tank, c'est lourd, ça fait 12 mètres par 3, ça pèse 4 tonnes, ça met 200 mètres à s'arrêter. Et puis quand on tourne autour d'un rond-point, on panique avant. Puis au fur et à mesure, on commence à s'approprier ça, ça devient un prolongement cognitif, et on sent presque les petits graviers sous la roue, comme si c'était une partie de soi. Donc le cerveau, il est dans cette agrégation permanente de toutes les corrélations possibles pour pouvoir étendre son soi et se représenter les choses et les anticiper. Désolé, je passe beaucoup trop de temps dessus. Et le plaisir est lié à la nouveauté d'une anticipation réussie. Donc je vais relier ça à la notion de justement d'émotionnel et de plaisir. Si je prends cette anticipation, prenons l'exemple de la musique. Un boum, boum, boum, boum, c'est très régulier. Et ben, au début, ça va me faire plaisir. Parce que c'est dès que j'entends la première mesure, je sais quelle est la deuxième, et ainsi de suite. Donc je prends du plaisir. Et ce n'est pas pour rien, si c'est une culture universelle, d'avoir ces rythmiques fortes qui arrivent, et que, parce que c'est un plaisir de base universel. Mais une fois que je l'ai fait, comme je disais, on finit par ne plus l'entendre. Comme quand on est en boîte, il y a beau avoir 80 décibels, je finis par plus entendre ce boum, boum, boum, boum, boum. Donc je vais devoir passer à l'étape d'après. Le cerveau, il a besoin de nouveautés, il ne veut pas s'endormir. Donc il va chercher des nouvelles anticipations possibles, et donc une musique plus complexe. Et c'est comme ça qu'un musicien, plus il progresse dans sa connaissance, plus il va vers des musiques complexes, voire même aléatoires, où là on a de l'information en permanence, et anticiper ça, ça devient le nec plus ultra. Ou je prends l'exemple d'un polar. Si on me dit à la fin du polar, le coupable c'était un tel qui était décrit dans la première ligne du livre, je ne risque pas de prendre un grand plaisir. Si on me dit c'était Casimir et qu'on ne m'a jamais parlé de Casimir, c'était inanticipable, je ne vais pas prendre un grand plaisir. Par contre, si au moment où ça apparaît, ça permet de tout corréler, tous les éléments qu'on m'a transmis, et que d'un seul coup, j'ai une sorte de cohérence globale qui apparaît de façon spontanée, je vais prendre du plaisir parce que ça va se passer exactement comme je le souhaitais, mais je ne le savais pas encore. Je provoque un peu derrière, mais je vais le relier ça à la machine. Donc j'inverse ce truc-là, c'est de dire je suis donc je pense. Le fait d'être, le fait d'incarner une portion d'univers, le fait d'être ces bouts de matière, etc., qui sont en interaction avec leur environnement et qui, via l'évolution, ont eu la capacité d'anticiper, et on le voit, je propose là, mène à la capacité de plaisir, de récompense par rapport à des anticipations réussies, ça fait que ben, je me sens penser. Et donc, de considérer que ce n'est pas impossible, finalement, oui, c'est 50 milliards de neurones, 100 000 milliards de connexions entre les... Finalement, c'est une machine, tout ça. Il n'y a pas un fluide magique qui est arrivé par-dessus. Donc, le fait d'être et de s'organiser, de créer une clôture opérationnelle vis-à-vis de son monde, de le percevoir, de l'anticiper, bah, ça crée toute cette mécanique et cette rupture qui définit le vivant. Ça a été observé chez le lapin, par exemple, il y a une vingtaine d'années, et c'est assez intéressant. Donc, j'ai pris un lapin qui, lui, est une œuvre d'art, par contre. C'est un lapin qui a été croisé avec des gènes de méduses et qui est donc devenu fluorescent. Ce qu'on appelle du bio-art. Parce que l'art n'est pas limité, je dirais, au beau. Il essaye d'exprimer quelque chose sur le réel. Et en effet, aujourd'hui, via l'évolution des technologies, ça s'implémente dans l'art et on fait du bio-art et on fait de l'art végétal. Donc ce petit lapin, voilà, on lui met des électrodes dans le bulbe olfactif, on regarde ce qui se passe. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est je suis tranquille, ça va bien. Et on voit qu'il y a une certaine dimension fractale de l'activité des neurones. Donc, en gros, ça bouge d'une sorte de bruit voilà, régulier, qui se passe bien. Et le pauvre, je lui présente une odeur qu'il ne connaît pas, jamais pratiquée par un lapin. On présente un parfum, par exemple. Bah, le pauvre, ça va surexciter ses neurones. Pourquoi ? Bah, parce que ça permet de faciliter des associations nouvelles. Il va bruiter tout ça, il va essayer de corréler, de trouver des trucs. Et ça fait référence à quoi par rapport à ses connaissances préalables ? Et petit à petit, les neurones vont se corréler les uns aux autres, et puis la dimension va réduire, ça va se simplifier. Et à la fin, on le voit en bas, et ben quand on lui présente une carotte, chose qu'il connaît, et ben ça se synchronise super bien. Il a accroché une cohérence du réel, et ça lui permet de se représenter le concept de carotte. Voilà, Victoire Peulin. Tout ça pour dire qu'on peut expliquer ces mécanismes de reconnaissance, de plaisir, liés simplement par des explications d'anticipation et de clôture du soi dans un univers qui est extrêmement complexe. Et on peut, par exemple, là, c'est une expérience qui a été faite, on capte donc l'EEG de personnes, on leur présente des vidéos, on fait des associations entre ces vidéos et leur EEG, et on fait la somme des vidéos qui corrèlent bien. Je ne sais pas si c'est très clair. En gros, on présente à trois observateurs ce film-là. On mesure leur activité neuronale. Et on leur a passé des milliers de films en enregistrant à chaque fois leur activité neuronale. Ensuite, quand ils regardent ça, on enregistre leur activité neuronale et on regarde les corrélations avec les films qu'ils ont déjà vus. On prend les images, on les fusionne et on refabrique l'image mentale, entre guillemets, de ce qu'ils voient. Et on voit que ça ne fonctionne pas trop mal. C'est-à-dire que là, on n'est pas passé par les yeux, on est juste par l'activité cérébrale. Et on voit que ce qu'on leur projette, cet éléphant qui se promène, voilà, ou l'aigle, etc., dessous, on retrouve des petits fantômes un petit peu. On voit quelque part l'image mentale. Ça, c'est quand même assez impressionnant. On a l'impression que c'est notre fort intérieur, que c'est quelque chose d'intime. Donc, captant l'activité cérébrale, on peut quand même le reconstruire. Donc, j'ai envie de dire, cette différence machine, naturelle, artificielle, vivant, non vivant, conscient, non conscient, pensant, non pensant, etc., elle est floue, quoi. On est un peu des machines, mais pas que, parce qu'on se sent être. Et puis peut-être que ce robot, au départ, il se sent être aussi, mais je ne peux pas le vérifier. Ça crée du trouble. Et le trouble, aujourd'hui, il va, on va dire, jusqu'au bout, puisque ce petit robot, c'est un parfait petit mix. C'est du puff silicium saupoudré de neurones de rats, donc de l'hypothalamus du rat, qui servent à la représentation dans des labyrinthes. Et ça marche bien. C'est-à-dire que le robot, il se promène et il évite bien les parois. Et tant mieux pour lui, là on le voit, tac, hop, il évite et il se retourne. Alors que c'est que du contrôle par les neurones. Donc là, la fusion, on s'en rapproche. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qui fait que ça va se rapprocher? Puisque ce que je disais au départ au niveau du transhumanisme, c'est qu'on peut s'attendre à des ruptures. D'un seul coup, on se retrouvera peut-être face à un robot en se disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Faut que je débranche là? Ouais, mais ça me fait mal. Ou est-ce que je laisse allumer et on ne sait pas ce que ça va devenir ?» Donc, je vais prendre quelques exemples. La ressemblance, alors moi, ça ne me parle pas du tout. J'avoue que ce n'est pas parce que là, on est dans, on vient dire dans les automates, ce qui est essayé d'être fait au XVIIIe siècle, parce que ça bouge, etc. On y croit, mais finalement, il y a un biais là-dessus. C'est que dès lors qu'on représente un visage humain, on est tellement habitué à la finesse du visage humain que le fait que ce soit un robot, on voit tout de suite la différence. Donc, quelque part, c'est certainement pas le bon plan. Pour moi, je suis au Muppet Show, là. Voilà. Et il est plus ridicule qu'autre chose. Après, par contre, ça, c'est une recherche qui est intéressante. C'est s'inspirer de ce que la vie a fait pendant des millions d'années en termes d'optimisation technique et de reconstruire des robots avec des muscles, des tendons, et des os. Pourquoi pas? Donc là, c'est que de la simple inspiration. Mais ce n'est pas parce que ça ressemble plus à des os avec des tendons que ça va peut-être nous troubler, mais ça va s'arrêter là. L'adaptation, alors là, c'en est un que j'aime bien, je le trouve vraiment charmant, celui-là, comme on dirait des nouvelles, donc fait par le DARPA. DARPA qui finance actuellement d'énormes recherches justement sur la modélisation neuronale aussi. Et le jour où ils grefferont leur recherche en modélisation neuronale sur celui-là, je préfère l'avoir anticipé. Donc lui, il s'adapte à son environnement, il le perçoit, il l'évite. Oh, je trouve qu'avec le son, il est encore plus charmant. Hein, pas mal, hein? Voilà. Donc voilà, des robots qui s'adaptent à leur environnement. Ok, ça y est, on y est. Hein. L'apprentissage. Alors ça aussi, c'est intéressant, c'est que jusqu'après, on va dire, il y a 15 ans, il y avait ce thème de l'IA là, qui était comment est-ce qu'on va modéliser l'intelligence et on va écrire des algorithmes pour faire croire que c'est intelligent. Je me souviens d'une anecdote avec le Loebner Prize. Le Loebner Prize, c'est un prix qui existe depuis 15 ans, qui consiste à savoir si un bot, donc un robot qui parle et qui répond, est crédible en lui faisant passer le test de Turing, test tout bête qui est bah, si je considère que si je n'arrive pas à faire la différence entre une machine dans mon interaction avec entre une machine et un humain, c'est que la machine a passé le test de Turing très rapidement. Et donc ils ont fait ça avec des bots, c'est le Lumner Prize. Et au départ, ils prenaient des lambdas dans la rue en disant bah, venez parler avec cette machine et vous nous dites si c'est un humain ou si c'est une machine. Enfin, c'est machine. Vous êtes derrière cette console et vous nous dites si c'est un humain ou une machine. Et les gens arrivaient à répondre en 4-5 secondes, tac, c'est un humain. Alors, ils disaient, mais pourquoi, comment vous êtes sûr en 4-5 secondes que c'est un humain et pas une machine? Ben, la machine m'a dit qu'elle rêvait. Et une machine, ça ne rêve pas, donc c'est un humain. Aïe. Donc ça veut dire que simplement avoir écrit print, ouvrez les guillemets, je rêve, ça crée l'illusion. Donc il a fallu quand même dépasser un petit peu ça. Et aujourd'hui, donc ces recherches-là, c'est comment est-ce qu'un robot est capable d'apprendre son propre corps, sa propre proprioception, sa capacité à se représenter dans l'espace. Donc ça, ça a été fait sur celui-là, toujours aussi charmant, qui apprend à avancer. Donc là, ça fonctionne par récompense, quelque part. C'est, on lui donne, il a une fonction qui permet de valider ce qu'on cherche à lui apprendre. Il a des récompenses. Et au fur et à mesure, on le fait évoluer. Et ben, on arrive à obtenir un joujou charmant. Encore. Voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce robot ne connaît pas sa propre structure a priori. Il est obligé de la découvrir. Et je vais raccrocher ça au cerveau de tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a des expériences qui ont été faites. Si on greffe un bras sur le cortex d'un singe, il va pouvoir, un bras artificiel, il va pouvoir en prendre le contrôle. Et même si le bras est déporté, ça a été fait avec une caméra, il y a un feedback sensitif qui passait par une caméra et le bras était à 1000 km. Et le singe arrive sans aucun souci à attraper la banane qui est à 1000 km avec son bras artificiel. Le cerveau peut, je prenais l'exemple tout à l'heure de la voiture, cette voiture qu'on finalement on sent le gravier à droite, on sait au centimètre près où passe le pare-choc, alors qu'on n'a pas de nerf dedans, et ben ça se. C'est quelque chose d'assez naturel. Percevoir, alors celui-là je l'aime bien, mais lui est dans le domaine de l'art digital, parce qu'évidemment c'est toutes ces questions-là, et c'est ce que j'aime bien dans le domaine de l'art, c'est que l'art n'a pas à se justifier, il doit simplement s'imposer. Et donc voilà, ben c'est une sculpture qui vous regarde, faite par Golan Levin, et qui doit simplement d'inverser le rapport à l'observateur, donc c'est un petit œil qui vous suit et qui clignote. Mais ce qui est intéressant, c'est l'interaction que ça crée. C'est la réaction des visiteurs par rapport à ça et le trouble que ça crée. Un autre avec qui j'ai travaillé, donc Adelin Schweitzer, et lui, ça s'est quasiment rapproché d'une expérience cognitive. Il a fabriqué le système qui est derrière, qui s'appelle SimSteam, qui permet d'enregistrer toutes mes... Enfin, mes perceptions, alors c'est pas encore très très évolué, mais ça enregistre ma vue en 3D, les sons, mon déplacement géolocalisé. Et après, il s'amuse à reprendre ça et on s'allonge dans des hamacs et on reprend des lunettes 3D pour revivre ce qu'on vécu d'autre. Et au départ, je me disais, bon, bah, ça, ouais, c'est rigolo, mais ça s'arrête là, quoi. Je vais simplement voir un film en 3D de quelqu'un qui s'est promené dans une ville. C'est sympa, mais... Et j'ai été très, très fortement surpris de sa propre sensation en exprimant ça. Parce qu'il y a un moment, dans le hamac, quand on a cette projection en 3D du parcours d'une autre personne, on déconnecte un petit peu et on perd son intention. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où je me dis, tiens, j'aimerais bien aller voir ce qu'il y a à gauche, et finalement, la personne va à droite. J'arrive à suivre son intention qui a été enregistrée dans la machine. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et on a travaillé ensuite là-dessus. Et il va essayer de faire plusieurs SimSteam comme ça, qui se croisent dans une ville. Et pour la personne qui est dans le hamac, de pouvoir switcher de l'un à l'autre pour essayer de créer de nouveaux comportements, de nouvelles sensations. Douter, alors ça, c'est un travail que j'ai actuellement. Alors malheureusement, il est difficile à filmer. On va voir avec le son. Voilà, on va discuter mieux de notre nuit. Tout simplement deux vieux bots, peut-être même le premier bot Elisa qui simulait un psychiatre dans les années 85-90. Sauf que là, voilà, qu'est-ce qui te fait penser que je ne suis pas toi? Et il a simplement eu l'idée de mettre deux bots l'un en face de l'autre et ce pauvre ordinateur se parle à lui-même depuis plusieurs mois. C'est génératif, c'est pas préécrit. Et le fait d'avoir mis deux psychiatres l'un face à l'autre, déjà je pense que c'est drôle dans la vraie vie, alors dans un ordinateur c'est génial. C'est-à-dire qu'il devient complètement schizophrène, il confond le jeu et le tu, c'est qu'est-ce qui te fait te, qu'est-ce qui te fait dire que je ne suis pas moi, etc. Ce à quoi il se répond à lui-même, et ça part en live. Ce que je trouve très intéressant là-dedans, c'est que le fait de lâcher le système, même avec des briques fonctionnelles extrêmement simples, font émerger un nouveau type de comportement assez intéressant. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que les gens qui sont face à ça, ben, ça crée le trouble, parce qu'il y a une matière, il y a quelque chose qui se crée. Alors celle-là, petite anecdote, donc c'est souffrir. J'ai un artiste qui m'avait dit, je vais travailler là actuellement sur une machine qui souffre. Et il m'avait décrit ça comme étant une belle sphère de résine avec des vaisseaux à l'intérieur, un capteur de proximité. Et puis, plus je m'en rapprochais, plus la sphère passait en tachycardie et moins je pouvais voir son cœur intime quelque part. Ça me plaisait beaucoup. J'attends de recevoir le truc et je reçois ça. Et ben, peut-être un peu comme vous, je me dis, ben, quelle merde. Le truc était complètement cassé, il y a trois vis. Je le branche, je ne sais pas comment, je n'ai pas de mode d'emploi, j'ai une clé USB, j'ai un truc. Il y a un petit tuyau avec du sang rouge, enfin du sang bleu qui circule dedans. Ça fait le bruit du modem, vous savez, le di-di-di-di-di-di machin, mais on ne sait pas quand. Il y a un capteur, mais on ne sait jamais quand il capte. C'est-à-dire, on peut s'approcher, ça démarre pas. Il y a une diode rouge qui s'allume, mais je ne sais jamais quand. La verte, elle clignote. Les vis sont défaites. Il y a quelques fils dénudés. Alors j'ai essayé de les mettre en contact. Ça m'a fait une étincelle à un moment. À un autre, la diode s'est éteinte, etc. Et finalement, je l'ai oublié dans un coin, mais je l'ai posé. Et puis quand les gens passent dans la galerie, ils passent à côté, ils me disent « C'est quoi ça ?» Avec un air « C'est quoi cette horreur ?» Et je fais « C'est une machine qui souffre, mais je ne te la montre pas parce qu'elle est vraiment dark. » Et puis plus ça passait, plus je me disais « Mais vraiment, ça me... j'aime pas. » Et finalement, je trouvais qu'il avait gagné à la longue. Parce que je la branchais, et la personne en face de moi, « Ah, mais non, mais arrête !» Et je mais non, je veux pas. Et avec trois diodes, une carte Arduino et trois fois rien, l'émotion est passée. Et je trouve que là, il a réussi. Et il m'a eu dans le sens où moi, je m'attendais à une douleur esthétique, une œuvre jolie, en disant « Regardez, vous approchez, oh, ça trempe, oh, bah dis donc, oui, en effet, tac. » Et en réalité, en faisant une machine avec des vis déboîtées, des fils qui se dénudent, des étincelles, des machins, on commence à sentir des choses qui sont... Refusé, toujours un travail d'Adnan Schweitzer. Lui, il a fait des machines qui s'appellent ininteractives, parce qu'il en a marre de ces machines où on met une pièce, on appuie sur un bouton, notre pièce en piquée, on ne la remercie même pas, on s'en va. Et puis, si jamais, en tant qu'esclave moderne, elle ne répond pas instantanément, on lui tape dessus, comme on devait le faire il y a 2000 ans. Et il voulait faire des machines qui soient dans le refus. Donc, la première est une machine à s'éteindre, elle n'a qu'un bouton. Quand on appuie sur le bouton, le grand bras qui fait 2 mètres vient appuyer sur son bouton pour refuser l'extinction. La deuxième, elle accepte tout à fait. C'est un hachoir à main et elle accepte tout à fait l'interaction, c'est-à-dire qu'on met sa main dessus et la lame descend tout à fait doucement et tranquillement et elle propose son interaction. En général, c'est l'observateur qui la refuse et qui fait non, peut-être pas. Là, on pourrait en parler après, mais j'adore l'interaction que propose cette machine et ça crée des réactions chez les personnes qui viennent la voir qui sont très intéressantes. Un peu comme avec l'art contemporain. Les gens qui passent devant un truc, ils n'ont pas compris, ils font mais... Ça sert à rien ce machin. Voilà. Là, j'ai un nombre de personnes qui passent à côté en disant mais ça sert à rien une machine à couper les doigts. Non. Mais essayez de jouer avec, mais donnez un peu de vous-même et vous allez voir que ça va évoquer des choses. Une autre qui refuse, c'est un tableau. Donc qui dit Guardami, regarde-moi en italien. Et dès que je la regarde, voilà ce que ça donne. Tant que je la regarde, elle me tourne le dos. Et quand je la regarde plus, elle revient vers moi. Et on retrouve ces thématiques de refus. Ressentir, intéressant aussi, c'est Nocosme, groupe Saint-Étienne, qui crée des zones de contact sur les plantes, et qui travaille beaucoup sur la relation naturelle-artificielle. Et là, ils font chanter des plantes par les contacts. Il y a beaucoup d'œuvres qu'ils font dans cet axe-là. Passer vite dessus. Là encore, c'est intéressant parce que ça change le rapport à la plante. Une plante, c'est quoi? C'est un truc vert, on arrose, ça pousse, et puis voilà. Et là, finalement, dans l'univers, on crée des plantes qui vont chanter quand je vais interagir avec elles. Et l'art étant libre m'a permis de créer ce nouveau type d'interaction. Ils ont fait aussi une autre œuvre où on peut mettre sa main sur une plaque de bois et on voit les ondes de sa main diffusées dans le bois. Et créer, c'est un robot que j'ai actuellement dans la galerie, qui s'appelle Paul, autodéterminé comme premier robot artiste. Alors, j'aimerais quand même, juste avant... Voilà, en parler un tout petit peu, parce qu'il est, à mon avis, c'est un archétype de ce qui peut être une interaction avec la machine qui crée de l'émotion, parce que j'ai vu avec ce Paul des enfants prendre des fous rires. J'ai jamais vu, à peu près, on va dire 80% des gens lui parlent. Donc il n'est fait que d'une petite webcam, la plus low cost qui soit, un petit bras avec trois moteurs et il fait votre portrait. Par contre, il impose, c'est encore un robot qui impose, de s'installer pendant une demi-heure assis, de ne pas trop bouger et d'être dans une interaction avec la webcam. Et les interactions sont fabuleuses. Les gens ne peuvent pas s'empêcher de lui parler, de dire « Mais allez, Paul, mais qu'est-ce que tu me fais là? Mais c'est quoi ça ?» etc. Et des enfants qui ne pouvaient plus s'arrêter de rire. Parce que l'œil est complètement inquisiteur. Là, il est inspiré. Et là, voilà, il peut dessiner. Donc, le bras travaille toujours sur le regard de l'œil. Et quand l'œil ne regarde plus la feuille, le bras est obligé de s'arrêter. Mais de temps en temps, le bras va y retourner aussi. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme je vous disais, le bras n'est pas anthropomorphique. Ça reste avec des petits moteurs de base. Mais on ne peut pas s'empêcher de projeter de l'émotion dedans. Les petits bruits des moteurs, il y a des moments où on l'entend rire. Mais les gens, vraiment, et c'est là où ça déclenche des fous rires. Parce que de temps en temps, il se met à être inspiré, il regarde en haut, en l'air. Regarde le plafond, il fait « i, i, i, i, i », comme ça. Les gens se marrent avec. Et il commence par les premiers traits. Plein d'anecdotes avec ce robot. Donc, très simple, trois fois rien, des petits moteurs, etc. Mais comme il est dans l'interaction, comme il impose une interaction, eh ben, il propose des choses. Donc voilà, ben, je la reprends, elle, du début, en disant ben, « qu'est-ce qui va se passer si on est face à ça ?» Et je pense qu'on y sera. En considérant donc, que chaque machine peut procurer de l'émotion, que si elle est elle-même apprenante et évolutive, elle peut associer l'émotion produite à son propre état interne, ce que je vais lui projeter, je vais rire face à elle, je vais avoir peur. Que vivant, pensant, conscient, je l'ai abordé tout à l'heure, ce sont des continuums, on n'est pas, il n'y a pas du vivant et du non-vivant, on est entre les deux, et cette machine-là ou une autre. Alors évidemment, il y a des définitions du vivant, la machine n'a pas encore la capacité de se réparer, mais pourquoi pas, bientôt, ça vient. Et puis il y a des choses qu'on classifie dans le non-vivant, mais qui se réparent aussi, donc il y a vraiment du flou. Et que dans ce continuum, ça procède par rupture et qu'on pourrait voir apparaître une machine qui se met à nous troubler. L'autonomie, donc voilà, après là. Et que si cette machine apprend d'elle-même ses propres émotions, elle pourra agir dans le sens du plaisir ou de l'évitement de la douleur et auto-amplifier sa propre représentation émotionnelle. Si ça démarre, je ne pense que ça ne fera que s'amplifier, accélérant encore des ruptures qualitatives. Mais comme je disais, elle sera le seul à le sentir. On n'aura pas de preuves, on ne pourra pas se le prouver. Donc il y aura des détracteurs. Il y aura des gens qui disent non, c'est qu'une machine, éteins-la. Et d'autres en disant je ne sais pas, j'ai un doute. Et il y a toujours eu des détracteurs sur les évolutions technologiques. On disait il y a des détracteurs sur le NBIC, mais il y a eu des détracteurs à l'écriture. En disant l'écriture va faire perdre la mémoire. Et j'imagine que le gars qui a inventé, ou la société qui a inventé le premier outil avec le silex en disant c'est pratique, s'est fait traiter de chochotte. Parce que ça ne se faisait pas à l'ongle, aux dents, machin, etc. Donc chaque fois qu'on crée une évolution qui crée une rupture, on est là, on la rejette. Et c'est là où justement, je pense qu'il ne faut pas rejeter les choses, mais les intégrer. Donc son intégration dépendra de notre opinion. Et figer l'humain dans ce qu'il est, n'est-il pas aussi une forme de prétention, de s'auto-définir comme étant le stade ultime de l'évolution qu'il ne doit pas être appelé à évoluer. Donc ne reproduisons pas les erreurs de l'histoire avec ces questions qui ont été posées dans notre histoire, de savoir si les animaux ont une âme. On sait maintenant que le crabe n'apprécie pas vraiment de rentrer dans sa cocotte. Ce n'est pas tout à fait neutre. Il y a eu des questions sur donc, l'âme des animaux, l'âme des femmes, l'âme des esclaves, extraordinaire. Est-ce qu'on a le droit de tuer cette machine qui est un peu biologique, mais finalement qui est une machine qui est achetée? Donc aujourd'hui, par la convergence de cette technologie, d'autres questions vont arriver. Et c'est justement celles auxquelles on réfléchit au sein de l'AFT, qui est fondamentalement humaniste, c'est pour ça que je vais la différencier de certains champs transhumanistes qui vont être dans une sorte de fascination technologique, de l'élite technologique, principe techno-progressiste dans le sens qui est on n'arrête pas le progrès, de toute façon ça fera, comme tu disais tout à l'heure, transhumaniste ou mort, et qu'il faut justement anticiper pour intégrer des réflexions profondes au niveau de nos sociétés par rapport à ces choses-là, parce qu'elles vont arriver. Afin de quoi ? Ben enfin, peut-être, dans l'histoire humaine, de commencer à construire notre futur sans peur, et sans peur de l'autre, et sans peur de la différence. Voilà, merci. génome continue à évoluer. Les bons variants génétiques ne sont pas sélectionnés. Heureusement. Et la sélection, elle se fait comment? Elle se fait par la mortalité infantile. À partir du moment où il n'y a plus de mortalité infantile, il n'y a plus de sélection des variations génétiques qui sont défavorables dans un environnement donné. Donc c'est vrai qu'on a une accumulation de variants génétiques délétères depuis 5 à 10 000 ans. Il y a eu un très beau papier dans Nature. La plupart des variants génétiques défavorables à l'humanité sont récents, au moins 5 à 1. Alors, à part nous, il n'y a plus de sélection naturelle et heureusement, les bons gènes, entre guillemets, ne sont pas sélectionnés par la mort des enfants porteurs de mauvais gènes avant la puberté. Il y a un problème de long terme, ce n'est pas un problème immédiat, ce n'est pas un problème de génération, mais effectivement, il va y avoir accumulation de variants génétiques délétères dans le futur. Donc derrière, on a deux réponses. Le retour à la sélection naturelle, pour faire remonter les gens au cocotier, c'est en désaccord avec toutes nos valeurs, bien évidemment. Donc forcément, la technomédecine devra à un moment ou un autre être sélectionnée. L'autre outil dont on va disposer, c'est effectivement le génisme par le séquençage des bébés et des utéro. Quoi qu'on en pense, et moi, à titre personnel, je ne suis pas forcément favorable, vu ce qu'on a fait avec la trisomie 21, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas pour la myopathie, pour les différentes maladies d'origine génétique. Donc, globalement, je ne sais pas, demain matin, on va accumuler un fardeau génétique croissant, on va probablement utiliser des outils génétiques dans le futur pour corriger, pour éliminer les porteurs des nouveaux variants. Ce que sans se rendre compte, on fait aujourd'hui quand on supprime 97% des enfants prisonniers. On fait de l'eugénisme intellectuel, même si on ne met pas le mot eugénisme intellectuel, c'est de l'eugénisme intellectuel. Alors, dans le cas de la crise 2021, il n'y a pas de reproduction des enfants prisonniers. Donc, de toute façon, ce n'est pas une modification génétique qui diminue, entre guillemets, la qualité du génome humain, puisque c'est une impasse. Hein, pour des raisons génétiques, les prisonniers ne peuvent pas se reproduire, sauf cas très particulier quand ils sont mosaïques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas trisomiques sur la totalité des cellules de l'organisme et que les testicules et les ovules ont un caryotype génétique. C'est ça. Mais si ça vous intéresse, vous enverrez. J'ai plusieurs papiers sur ce sujet-là, si vous enverrez. Beaucoup de tensions dialectiques dans l'utilisation de ces outils. Oui, non, mais j'entends bien. Il est peu probable que les thérapies géniques ne fonctionnent pas dans quelques décennies. C'est peu probable. Le scénario le plus probable, c'est qu'on maîtrise parfaitement notre génome dans le courant de la prochaine décennie, de façon industrielle et à bas coût. Donc le scénario le plus probable, c'est pas qu'on n'ait pas des outils pour répondre à l'absence de sélection darwinienne, ou à la moindre sélection darwinienne. Le plus grand danger, c'est qu'on puisse manipuler de façon illimitée notre génome et qu'on fasse des conneries dans les décennies qui viennent. Car avons-nous un droit total sur les générations futures, puisque quand on modifie notre génome, on va finir par modifier notre génome germinal aussi, donc on va modifier les générations ultérieures. Quel droit a-t-on sur le futur? C'est une question philosophique à laquelle on n'a pas répondu et à laquelle il faudra quand même répondre un jour. simplement qu'il y a un problème qui va se poser et qu'on pourrait y réfléchir. Et aux États-Unis, on y réfléchit beaucoup à ces sujets-là. En France, c'est assez largement tabou. D'abord, on ne parle jamais génétique et on évacue le débat. Il y a un vrai débat à avoir sur ce qu'on va faire de la technomédecine et ce qu'on va faire des technologies NBIC. Et je pense qu'il est coupable, je reviens à ce que je disais en conclusion tout à l'heure, je pense qu'il est coupable pour la société en France de ne pas aborder ces sujets-là, car les décisions vont être prises ailleurs par les fabricants de technologies et nous risquons de ne pas avoir de prise sur notre futur par absence de maîtrise de ces technologies qui, vous en conviendrez, sont fondamentales pour la définition de notre futur. Le QI a monté 10 points à peu près, notamment parce qu'il y a des gens qui n'avaient quasiment pas d'éducation dans les zones rurales, et que l'école, et le fait que les ouvriers agricoles aillent à l'école au lieu d'aller au champ à 4-5 ans, a augmenté le quotient intellectuel moyen dans nos sociétés d'une petite dizaine de points. Il y a énormément de sujets qu'on n'a pas pu aborder, c'est énormément de choses. Par contre, pour ce qui est de la notion de rupture, pense que ce serait aussi provoquant de considérer qu'il n'y aura plus de rupture. Tout s'est fait par rupture jusqu'à présent. Et l'être humain a eu finalement assez peu le contrôle sur son histoire. On se donne beaucoup de prétentions à notre échelle, mais les grands mouvements, les grandes révolutions technologiques, en fait, ça détient sur ces technologies qui ont eu lieu depuis l'origine, se sont passés, ça nous a traversés. Aujourd'hui, la différence qu'on a, c'est qu'on se projette beaucoup plus justement dans le futur, donc c'est ce qu'on a essayé de faire là, ce soir, c'est de dire, on peut dessiner un peu le territoire de ce qui se passe avant, on ne subit pas les choses de front, alors ne soyons pas naïfs, anticipons les choses, surtout les futurs potentiels, pour justement essayer de se poser des questions dès aujourd'hui, et peut-être créer une sorte d'intentionnalité dans cette évolution. Mais sinon, des contre-cultures, il y en a plein. Il y a la contre-culture opposée, où on pourrait dire, surtout, l'être humain n'a pas à intervenir sur sa propre évolution, et doit laisser faire une sorte d'esprit de nature, mais dans ce cas-là, si on pousse cette logique jusqu'au bout, on va jusqu'où ? C'est-à-dire, plus de lunettes, plus d'habits, plus d'écriture, plus de pensée. Aller vers l'arrière, c'est quand même très lourd. Donc on essaie, nous, d'aller vers l'avant, et on a présenté des potentiels, mais on n'a pas parlé de tout. Ce qui est intéressant dans l'histoire des contre-cultures, c'est que justement, il y a eu un effet balancier entre la contre-culture qui crée celle du retour à la nature et celle de l'hypertechnologie, et que ce sont souvent les mêmes qui, dans le balancier, de ce de l'un à l'autre, c'est le mal de l'engineering, par exemple, il y a un moment une phase très anti-technologique avant de redevenir un futuriste. Et il y a quelqu'un qui a écrit une histoire de la contre-culture qui s'appelle Ken Goffman, qui est intéressant parce que sous le pseudonyme de Harry Osiris, il a dirigé le magazine H+. Qui a donc lui opposé de façon assez intéressante, opposé mais en complémentarité, qu'il appelle la contre-culture abrahamique et la contre-culture prométhéenne. La contre-culture abrahamique, c'est je quitte l'autorité de la société pour aller dans le désert, et la contre-culture prométhéenne, c'est effectivement je m'érige en tant qu'individu contre la société elle-même. Alors, ce qui est intéressant quand on regarde d'ailleurs justement l'histoire. C'est justement cet effet de balancier, c'est-à-dire que les deux positions, loin d'être en opposition radicale, ont souvent été plus des mouvements de balancier tenus par les uns et par les mêmes selon les périodes. Donc c'est assez intéressant comme analyse. Et encore aujourd'hui, donc je vous parle de Sirius, justement, il y a fait un poste de blog intéressant, c'est pour vous montrer à quel point il y a des transhumanismes. Il y a fait un poste de blog qui s'appelle Still This Singularity, c'est un volet de cette singularité. Ou bien qu'étant très impliqué dans les mouvements transhumanistes, etc., il dit, attention, les Kurzweil et les Diamandis, tout cela, c'est un esprit rationnel, on parle de conscience, alors Sirius est très dans la conscience, parce que c'est donc un esprit, etc., très dans le sens de la conscience, etc. C'est un esprit d'ingénieur rationnel, il faut voler, nous les hackers, dit-il, les clowns, etc., les marginaux, voler cette singularité. C'est-à-dire que ce qui est aujourd'hui dehors de la contre-culture, qui ne doit pas être uni comme étant le transhumanisme, quand demain toutes ces choses seront devenues évidentes, des conflits même entre gens qui trouvaient, je dirais comme tous transhumanistes, vont apparaître. Et je vais en donner un très simple. J'ai entendu dire que Ray Kurzweil, Ray Kurzweil et André de Grey, autres transhumanistes, sont des partisans chauds du brevet. Certains chez les transhumanistes sont des partisans de l'expansion du brevet et de l'importance du brevet, tandis que d'autres sont partisans de l'abolition des brevets et de la propriété intellectuelle. Ce genre de conflit est très discret, dont on a parlé il y a une quinzaine de jours, puisque vous savez, un des pionniers de l'open science est décidé il y a une quinzaine de jours, à Ron Schwartz, on ne sait pas pourquoi il s'est décidé. Mais bon, c'est beau quand même d'avoir des problèmes avec la justice avait un rôle. Effectivement, ce sont des problèmes qui vont exploser. Cette histoire de si, imaginons que la biotechnologie, que le télévisant des élèves potentiels, qui pourra, est-ce que moi j'aurai le droit, si j'apprends qu'il y a un système de nanotechnologie pour augmenter ma vie, est-ce que j'aurai le droit de le copier, de le pirater, de le donner à mes amis? Ça va déclencher de vrais conflits. Donc, effectivement, on va être face à des oppositions entre gens qui aujourd'hui apparaissent comme étant une espèce de conglomérat vaguement unifié. Il n'est absolument pas le cas. La question du droit se pose presque plus, puisque dans la logique de l'ACLA de l'expérimentation, les gens se font approprier de technologie, ensemble, le droit existe, le droit existe. Oui, voilà, mais en tout cas, la imprimante 3D, c'est-à-dire bah, c'est comme une imprimante, mais ça le fait en 3D. Et au lieu, comme ça fonctionne actuellement, de fonctionner avec un fil de plastique chaud pour faire des petites sculptures sympas et des porte-clés, et bah, là, ça imprime directement des cellules. C'est la même chose que moi, c'est même transformer une idée en plus. Oui, en plus. C'est la même. Voilà. Donc c'est en prenant une pièce de son imprimante à jet d'encre. Donc cet esprit d'expérimentation rend en plus le futur complètement incertain. Parce que j'ai envie de faire un parallèle un petit peu avec ce que je constatais quand moi je mettais des sondes dans mes neurones artificiels, machin, que je regardais tout ça. Il y a un moment où on va dire la température augmente, quoi, et ça part dans absolument tous les sens. Et là on ne contrôle absolument plus rien. Le fait de, en gros, j'ai changé le paramètre, le taux de connexion de mes neurones, et puis je regardais comment ça évoluait, je voyais que ça faisait augmenter la complexité des dynamiques de mes neurones. Aujourd'hui, nos connexions augmentent avec nos iPhones, avec Internet, avec tout ça. On a tout de suite l'information est là. Par exemple, avec une santé concertée, on a vu la même vidéo de cette impression. Donc on a l'information tout de suite, elle est sortie il y a 2-3 jours. Donc en faisant comme ça, tout de suite, ça pourra me faire donner une idée. Comment est-ce qu'on contrôle, je dirais, une organisation collective aussi riche et aussi expérimentale. Donc pour moi, c'est certain, de cette expérimentation-là va sortir plein de choses de ces découvertes. Et qu'il faut se poser des questions maintenant de qu'est-ce qu'on va faire avec, parce que ça va sortir. Vous avez une autre question ? Je voulais juste dire, en fait, j'ai vraiment un truc qui est marqué par rapport à votre travail à la sensibilisation par rapport au futur. Qu'est-ce que vous pensez vraiment ? Qu'est-ce que vous pensez de clown ? Qu'est-ce que vous pensez de un peu comme ça, de les différents futurs publics ? Qu'est-ce que vous pensez de vraiment parler de Google, qui pense qu'il y a derrière, qui est la technologie, qui pourrait être ça ? Par exemple, pour parler de mission, j'ai essayé justement d'influencer, de comprendre un peu les dynamiques des gens, de voir un peu les gens qui sont pas le consommateur et l'économie standard, et de voir de réussir à profiter ça tellement précisément qu'en fait finalement on arrive à. Ah, c'est une horreur. Google n'arrête pas de faire ça. Ah, c'est une horreur. Je pense que c'est pas la démo de recherche. Donc, moi je trouve qu'ils plantent dans le long de la rue. Amazon le fait aussi. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a un des pionniers du transhumanisme, de l'expressionnisme, qui s'appelait Sacha Sitsenko, qui travaillait dans les années 90, je me rappelle, sur effectivement ce qu'on appelle le collaboratif sur le transhumanisme. De toute façon. Le concepteur de Twitter résonne dans nos neurones avec grand fractionnement des liens. Oui, bah, c'est très correct. Ça existe, et je pense que c'est justement ce qui leur dit, c'est de plus en plus les gens aussi à travailler, leur justement, beaucoup sur le cerveau humain et sur le rapport à l'interface avec la machine, c'est que de toute façon, on cherche à faire ça. Alors, 90% des recherches qu'on appelle le neuromarketing, c'est le travail. Ceci dit, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle une neurocopie avec des phénomènes comme la psychanalyse, font de la recherche fondamentale sur les diagnostics de l'étudiant, c'est une vraie recherche. Et rien n'empêche de penser que si aujourd'hui il y a 80% du neuromarketing qui est du marketing, qui veut dire rien d'autre, que demain il n'y aura pas un neuromarketing réel. Et je pense que ce qui va intéresser, ce qui est très intéressant, c'est aujourd'hui que les gens puissent apprendre, et ça aussi c'est une forme de transhumanisme, apprendre à se distancer par rapport à toutes ces choses, à les manipuler, à les hacker. C'est même le comportement humain propre. Je voulais poser la question, qu'est-ce que vous pensez du civil du fait d'apprendre à la culture ? C'est quelque chose dont les gens ont besoin. Ah mais très clairement, se réapproprier, les choses. Hacker, c'est dans la philosophie initiale de l'hacking. C'est extrêmement sympathique et on voit bien l'extension du même vivant de la philosophie open source. Il y a quand même une limite. Est-ce qu'on a le droit en matière de hacking et de biologie de produire du virus varguerie? A-t-on le droit? Et bien la réponse, c'est qu'en réalité, le hacking biologique qui va être contrôlé, il y aura une police scientifique anti-hacking, car, en gros, le génome de la variole, un bon généticien peut le fabriquer en 48 heures. Ça va bien évidemment être interdit, et on va se donner les moyens de vérifier que c'est interdit. En plus, les jeunes générations ne sont plus vaccinées contre la variole, comme vous le savez, puisqu'on a arrêté la vaccination en 1980. Donc les gens de moins de 30 ans, s'il y a une épidémie de variole, il va y avoir, 200 millions de morts. Donc on va quand même vérifier qu'il n'y ait pas trop de hackers qui fassent joujou avec le génome de la variole qui a été publié dans Science comme vous le savez, donc qui est accessible à n'importe quel étudiant ayant un PhD en génétique. Donc il y aura des limites dans le domaine du vivant au hacking. De même, en nanotechnologie, si elle progresse, on ne laissera pas faire n'importe quoi dans son garage. Donc il y aura par rapport au hacking informatique des différences, car il est plus facile de tuer avec de la biologie ou des nanos qu'avec quelques lignes de code, même si c'est quand même possible, puisque certains chercheurs américains ont réussi à prendre le contrôle des pacemakers et à les dérégler à distance. Par ailleurs. Ceci dit, il faut quand même préciser une chose sur la question, c'est que la plupart des outils qu'on appelle les biologistes sont en fait ce qu'on appelle l'autogrid des gentils, avec une charte morale, etc. Et en fait, donc personnellement, effectivement, Laurent a raison, la variété surtout, les gens qui vont créer. Le gros problème, c'est que ceux qui vont fabriquer, je pense, le gel de la variété, ça ne va pas être des biohackers en association, en Je n'ai pas parlé des gentils biohackers, j'ai parlé des méchants biohackers. Avec des gens qui, de toute façon, se fichent de la réglementation. Évidemment, ceci dit, ce qui ne veut pas, c'est cette réglementation brûle, effectivement, des intérêts. Il y a eu des histoires autour de biohacking. Il y a eu un artiste, par exemple, qui faisait du bioart, dont la femme, sans rapport avec son art, est morte et va venir un jour. Il n'y a rien à voir du tout avec les pompiers sont arrivés, ils ont vu du matériel de bioart, ils ont appelé le FBI, et le gars s'est fait tout le monde pour terrorisme. Bon, il est sorti ensuite, mais il n'a toujours pas récupéré son matériel, enfin il a eu quand même plein d'ennuis, même si effectivement il n'est pas arrivé au Canada, voilà, mais il a eu plein d'ennuis, alors il s'est fait du matériel. Donc il va falloir savoir ce qu'il y a de technique qui est donc Et peut-être ce contrôle, c'est aussi un contrôle collectif. Et justement, c'est dans cette culture du hacking, il y a aussi le fait que comme on apprend les choses, on les comprend mieux et on peut plus facilement les surveiller quelque part. Parce que je trouve en même temps que d'empêcher cet esprit de curiosité chez les gens, ça permet de maintenir aussi certains privilèges par rapport à l'accès à la technologie. Je vois par exemple sur ce que donc Google en effet, Google en interne par rapport à leur algo, c'est pas pour rien qu'ils ont récupéré l'écrire Hope to Create a Mind. Ils font en effet des déclarations sur le côté que Twitter, Google, sont conscients, etc. Mais ils sont en train, ce qui est certain inconscient, peut-être pas, mais en tout cas, ils aient cette capacité d'anticipation, comme on sait que ça peut être fait sur les tweets, par exemple, on sait si tel film, simplement par l'activité des tweets et vitesse de diffusion, on sait si un film aura du succès ou non. Donc les corrélations, on peut le faire. J'avais été en contact avec un hacker de Nouvelle-Zélande qui avait fait une super application pour Facebook qui s'appelait calculer votre QI. Évidemment, tout le monde avait calculé son QI, sauf que ce qu'il n'avait pas dit, c'est qu'il récupérait toutes les informations, donc il connectait avec Intel, il mémorisait pour faire justement de la prospective dedans, toutes ces informations-là. Et j'ai pu jouer avec son système, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc ce qu'un hacker arrive à faire de l'extérieur de Facebook, en regardant ça, c'est-à-dire, en gros, quand je dis que c'est hallucinant, on tapait un mot-clé et on voyait la diffusion de tous les messages avec par PageRank le retour aux influenceurs principaux, et on arrivait comme ça à connaître d'où venaient toutes les rumeurs et toutes les publicités. C'est étonnant. Et vous avez tout fort, il y a un groupe américain qui s'appelle GayLar, la fusion de Gay et de Radar, qui a mis au point un petit app extraordinaire qui permet de savoir si les gens qui sont sur Facebook sont gays ou sont hétérosexuels. Et avec une capacité de prédiction qui est absolument inouïe. Donc à partir de votre profil Facebook, de vos copains, de ce que vous faites sur Facebook, on peut de l'extérieur savoir si vous êtes homosexuel ou si vous êtes hétéro. Ça marche extrêmement bien. J'ai envie de dire que ça se faisait déjà avant dans les bars, dans les choses comme ça. C'est-à-dire que la technologie ne réveille pas non plus. Non, mais il fallait voir les gens dans un bar gay pour savoir qu'ils étaient gays. Alors que là, il suffit de regarder le profil Facebook et de brancher un app pour un petit applicatif pour avoir la réponse. Je te rejoins sur ce côté surprenant que justement un programme informatique le fasse et le fasse avec ça. À partir de données publiques, du profil. Mais ça doit changer. Ça doit changer justement nos usages par rapport à ça et à toutes ces publications. Vous avez évoqué la libération du moyen technologique. Alors, attention à ce qui est au nucléaire, par exemple, entre l'usage nucléaire, entre les nouveaux nucléaires et du traitement de décarbonation, est-ce qu'il fallait interagir? J'ai l'impression que ce qui est très difficile dans ces technologies-là, c'est, enfin, c'est mon point de vue, c'est vraiment pas la technologie qui est bonne ou mauvaise en tant que telle, c'est l'usage qu'on en fait. Et que peut-être, en faisant le virus, justement, de la variole et en étudiant avec précaution, apprendra quelque chose. Et que ce soit progressé bon, sur un autre que champ. Que ce soit bon ou mauvais, et si tu prends la radiologie médicale, la réglementation est drastique. On ne peut pas laisser les gens s'amuser avec des sources de cobalt, des accélérateurs en cancérologie, etc. Donc, même le bon côté de la, des technologies nucléaires, je ne parle pas de la bombe atomique, mais je parle des technologies médicales, sont ultra encadrées. Et la réglementation est terrible. La réglementation, si vous êtes à côté d'un cabinet de radio, il faut blinder le mur parce que vous pouvez être irradié dans votre lit, vous êtes dans l'appartement à côté, etc., etc. Donc même les technologies, même le bon côté des technologies peuvent être dévoyés. Tout à fait. Hein, on sait que le plus simple à faire, c'est pas de faire une bombe atomique quand on est un groupe terroriste, c'est de mettre du cobalt qu'on récupère d'une bombe à cobalt en radiothérapie et de le mettre dans un explosif banal et de faire exploser l'explosif banal. Ça ne fait pas une bombe atomique et ça diffuse dans une ville entière du cobalt radioactif pendant plusieurs mois. Donc, on voit bien que sur toutes ces technologies-là, la réglementation va être drastique. Et en biologie, elle va être particulièrement drastique. Parce qu'il y a un danger massif. C'est-à-dire la diffusion d'un virus mortel à des centaines de millions de personnes aurait des conséquences incalculables. Il y aura des mesures policières extrêmement fortes contre le biohacking, notamment en virologie. Et ce sera extraordinairement contrôlé. Et il y aura probablement des dérapages policiers dans cette univers-là, car la crainte d'un accident à l'échelle mondiale sera très importante. Oui, en fait, on veillera à ce que les hackers IT n'échappent pas à la surveillance de leur activité de biohacking, car on ne laissera pas faire n'importe quoi. Heureusement, sinon, il y aura quelques catastrophes avec quelques centaines de millions de morts à la clé. Je trouve que la réponse est extrêmement complexe. Des comités d'éthique, etc. Oui. Mais le problème est récent. La possibilité de fabriquer dans sa cuisine un morceau d'ADN, par exemple un morceau d'ADN viral, c'est un truc qu'on peut faire depuis 3-4 ans, maximum. Donc c'est un truc super récent. C'est pas un truc qu'on sait faire depuis 1950. Donc la question s'est pas posée. Il n'y a pas encore eu d'accident. Il y en aura forcément. Il y a forcément des gens qui vont fabriquer des virus méchants. Ça prend la journée. Donc il y a une vraie réflexion. Mais il faudra peut-être que les gentils biohackers se liguent pour trouver des vaccinations contre les futurs méchants virus produits par les méchants biohackers. Une proposition là-dessus. Donc Carlson, oui, Rob, c'est un spécialiste en train de loi de Carlson. Ce qu'il dit, c'est que on va y avoir d'abord une lecture assez intéressante. Il parle justement de la, justement en faveur de la transparence totale et totale des connaissances de biologie. Il revient sur le problème de la loi. Et ce qu'il dit, c'est finalement la loi a apporté beaucoup de victimes et c'est heureux. Si elle avait été très dangereuse, aucune des institutions scientifiques actuelles n'aurait été capable d'avoir suffisamment vite l'information et la recherche pour mettre fin à une pandémie. C'est-à-dire qu'il dit, justement, on ne sait pas aujourd'hui, en fait, si demain il y a des catastrophes naturelles. J'ai entre guillemets, parce que vous dites, ah, c'est aussi une maladie artificielle, c'est une maladie, c'est-à-dire que les métropoles, etc. Aujourd'hui, l'information est trop lente pour permettre de lutter déjà contre ces deux épidémies. Et ce qu'il dit, lui, il parle aussi des problèmes posés par la virologie et tout. Il dit que c'est assez intéressant parce que là, on est vraiment plus que dans le transhumanisme, en France, la théorie, dans la situation de l'univers. Il dit que la seule solution face aux menaces qui pourraient intervenir dans le domaine biologique, ça serait en fait de répandre dans la nature d'autres organismes artificiels qui sont des capteurs et qui permettraient de repérer l'arrivée d'agents pathogènes. Donc en fait, changer la nature pour protéger la nature. C'est intéressant parce que là, on est en fait sur des plans avec une utilisation. difficulté qu'il y a actuellement, c'est que notre réflexion collective par nos propres systèmes va moins vite que les mesures technologiques. Jusqu'à présent, on pouvait dire, voilà, le temps de diffusion de technologie était 20 ans, et on pouvait l'analyser, etc. etc. Aujourd'hui, c'est immédiatement repris, expérimenté, refait, etc. Et on est face à une sorte d'emballement avec un regard critique dessus. Et le temps qui décide, il s'est déjà fait doubler. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en effet, on est à cette croisée des chemins et que ça devrait faire appel à de nouveaux modes d'éthique et peut-être d'éthique collective à inventer. Et, si un jour il existe des produits de ce genre, est-ce que fondamentalement et philosophiquement, il est différent de prendre un produit comme ça que de travailler 3 heures, etc., pour réussir ce produit. Nous connaissons, c'est pas mal de cette situation, mais le café est parfaitement légal, jusqu'où effectivement le gros problème de ce produit, c'est effectivement jusqu'où on considère que personne a le droit de. Le fait sur les sportifs de haut niveau qui prennent des dopants, qui les tuent quand même. C'est très très dangereux. Donc effectivement, c'est tout le problème. Non, mais de s'entraîner, il change aussi. Alors, ce terme de l'éthique, justement, c'est intéressant parce que c'est justement une des réflexions qu'on a actuellement à l'intérieur. Justement, on cherche, parce que souvent on est vu comme. Thank you. voudrais vous remercier pour votre présentation. S'il y en a qui veulent mes slides et qui me donnent leur mail et leur... Moi, je voudrais vous donner rendez-vous le 21 mars maintenant pour une prochaine conférence X-Recherche sur la gastronomie moléculaire avec Hervé Kiss et certainement une application pratique derrière assez ludique.